Elle a pas du tout bien pris. Ah oui. Bah, tu m'étonnes, enfin, mon chat, tu t'attendais donc à quoi? Elle m'a quitté. Elle m'a bien dit, tu fais croire à ta meuf que tu l'as trompée et tu t'attends à ce qu'elle réagisse comment? Merde. Je voulais juste voir sa réaction et après lui dire non, je rigole, mais j'ai pas eu le temps. Quand même. Ah, mais dommage. Attends, Andy, deux secondes quand même. J'ai pas eu le temps. Mais déjà, excuse-moi, mais quand même, cette fille a quand même très peu d'humour. Non, mais même. Et même si. Parce que. Ouais. Elle est partie, mais après, tu pouvais la rappeler, lui dire, mais c'était une blague et tout. Elle a rien voulu entendre. J'ai pas pu. Elle m'a bloqué de partout. Mais non, mais enfin, mon chat, mais. Mais ça, c'est. Attends, excuse-moi, mais c'est complètement con. Déjà, ce que t'as fait, c'est bête. Ouais, ça va. Non, mais si c'est bête, tu fais pas croire à quelqu'un que tu l'as trompé, ça fait du mal gratos. C'est nul, en fait. Enfin, je veux dire, il y a aucun intérêt à faire ça. Bah, si, l'intérêt, là, c'était tester sa fidélité. Non, bah, ça lui donne aucun indice sur sa fidélité. Elle, je pense qu'il a juste voulu voir comment elle réagissait, si elle était jalouse ou pas. Mais non, non, Pablo, exactement. Tu testes la fidélité à la limite en disant, écoute, je t'ai vu dans la rue avec un mec où j'ai guéri un truc sur ton téléphone, mais pas en disant que toi-même t'as galoché d'autres meufs. Enfin, c'est Andy, excuse-moi, mais quand même là, c'était un peu un comportement de teuteux, hein. Ouais, non, mais après j'étais gamin, donc j'ai pas réfléchi trop au truc. C'est le premier truc qui est venu. T'as personne dans ton entourage qui aurait pu rattraper le coup, lui dire écoute, débloque-le, en fait son histoire était fausse. Enfin, je veux dire, vraiment, t'as Elle voulait pas, en fait. Ah oui, bah elle l'a mal pris, quoi. Donc je pense qu'elle voulait aussi trouver un prétexte pour me lâcher en même temps. Donc, Ouais, c'est possible. C'est possible, ça, ouais. Eh bien, Andy, t'es le champion de la soirée, sache-le. Tu as vraiment la médaille. Le dernier et le meilleur. Et est-ce que depuis, t'as retrouvé quelqu'un? Est-ce que t'es toujours un petit peu comme ça, jaloux? Tu fais des tests ou comment ça se passe? Non, là, je fais plus de tests. Non, c'est bien. Là, je fais des coups de pression, là. D'accord. Ah, c'est mieux. C'est bien, t'es sur la bonne voie, Andy, hein. Ouais. Non, ça sent le mariage, ça, hein. Non, Andy, fais attention à toi, mon chat, et vas-y, mollo avec ce genre de vanne, d'accord? Mollo! Maintenant, ça va très bien. Ouais. Je suis avec quelqu'un, mais ça fait pas trop longtemps non plus, mais voilà. Ouais, on croise les doigts, quoi. Attends, t'as un truc, tu fais genre, tu l'as trompé, et tu vois comment elle réagit. Ah ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Et on te souhaite que ça marche, Andy, avec cette fille, et puis tu nous rappelles si ça capote, hein, si tu refais le con, quoi. Y'a pas de soucis. Allez, on t'embrasse. Bisous. Oui, moi aussi. Attends, juste une dernière chose, juste avant de raccrocher, parce que j'ai jamais testé, ça fait déjà plusieurs fois que je passe, mais j'ai jamais testé. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ah, merci. Oui, bah tu le fais quand tu veux, hein. Même tu sais, tu peux nous rappeler juste pour le faire et raccrocher, y a pas de souci. Hein. D'accord. Bah est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va être bon. À bientôt, Andy. À bientôt. Je vous remercie. Bisous, mon chat. Il y a André aussi qui nous a envoyé un message sur la page Facebook qui dit c'est le premier jour des soldes. J'ai prévu le coup en faisant des repérages. Pour une fois, pas question de rater les bonnes affaires. Alors j'appelle ma chef et avec ma plus belle voix enrouée, je prétends être malade. Direction les grands magasins, j'achète une paire de pompes, un joli manteau, et alors que je dégaine ma carte bleue juste derrière moi, ma patronne. Ah, nickel. Voilà. Ouais, bon, ça arrive. Après, vous pouvez pas savoir. Ah bah, c'est le karma. Oui. C'est le karma des soldes. Oui, oui, oui. Hashtag le Night Show, on a aussi eu pas mal de réactions sur Twitter sur les gaffons. Ouais, Mathilde, elle a grillé son meilleur ami avec ses parents. En fait, elle l'avait pas dit qu'il avait un tatouage et elle l'a balancé à ses parents. Aïe. Ah, sympa. Ouais, Damien, lui, il a gâché la demande en mariage de son pote. Oh non. Si, en balançant félicitations à la meuf alors qu'elle était encore pas au courant du truc. Oh non, c'est terrible. Affreux. Et puis Max, il a cassé le gâteau d'anniversaire de son petit frère pour ses 18 ans, anniversaire surprise. Il a fait tomber devant tout le monde. Ouais, bah, c'est le principe d'une gaffe. Ouais, mais voilà. Ça, c'est un peu marrant quand même. C'est la gaffe drôle, ouais. Quelqu'un qui tombe avec un cake. Quelqu'un qui tombe. Le cake qui tombe, c'est rigolo. Ouais. 21h59, là, dans quelques secondes, je crois qu'il est temps d'annoncer le gagnant de ce soir pour le t-shirt Perco. C'est vrai qu'on vous en offre toute la semaine. Ce sont des t-shirts archi bons pour le dos, qui renforcent les muscles, qui vous maintiennent, qui coûtent quand même 130€. C'est normal, puisqu'il y a quand même de la technologie dedans. Attention, hein, c'est du t-shirt high-tech. Et bien, ce soir, attention, roulement de tambour. Qui veut le faire à la bouche? Le grand gagnant s'appelle Kevin, 22 ans, de Bordeaux. Bravo, mon chat, bravo. On va te rappeler, on va prendre toutes tes coordonnées. Félicitations, et vous inquiétez pas si vous êtes inscrit. On garde vos inscriptions pour demain et pour toute la semaine. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. Évidemment, Karel, Alice et le Doc sont arrivés pour la Vin Fun. Bonsoir. Hello. Les chatons. Bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Vous êtes un trio, vous êtes une brochette de qui, vous? Merci. C'est trop. Et est-ce que le week-end a été bon? Bah, excellent, oui. on va le débriefer dans un instant. On a plein de choses à dire. Doc sent encore les effluves d'alcool. Il a tout fait, Doc. La Bourgogne, c'est bon. C'est beau. Moi, j'ai suivi Alice hein, sur son Instagram. Ouais. C'est vrai que je me suis fait un petit week-end insolite kiff. J'ai vu en peignoir. Elle porte très bien le peignoir. Ah, oui, attention. Ouais. Es-tu ce que t'es, toi, Alice? Toi, tu es la cerise sur un gâteau. Oui, c'est sûr. La fille se lâche. Ouais. On vous laisse avec l'équipe de Love in Fun jusqu'à minuit. Nous, on sera de retour demain à partir de 20h. Bisous, les bichons. Bisous, à demain. Bisous. Ouais. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karen, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Fun Radio. C'est dimanche. On est là tranquillement, très heureux de vous retrouver. J'espère que le week-end est bon, parce que nous sommes toujours en week-end. On en profite là tous ensemble sur Fun Radio avec toute l'équipe qui est là. Justement, on va le débriefer ce week-end de l'équipe. C'est passé tellement de choses. D'ailleurs, on vous a publié une petite photo représentative de notre week-end sur l'Instagram de Fun Radio. Et on vous a d'ailleurs posé cette question. Venez nous dire si, avec votre emoji, si vous avez passé un bon week-end. Si vous mettez un emoji caca, on pourra comprendre que vous avez passé un week-end gastro. Ah oui, c'est si ça. Vous avez un emoji triste, franchement, on aura juste envie de vous dire stop au blues du dimanche soir. Stop au blues du dimanche soir. Je vous le rappelle, nous avons lancé ce grand mouvement dimanche dernier. Et on a reçu des centaines de lettres. Oh, des milliards. Hein, des mails. Bah des mails pour nous demander de faire un jingle pour cette émission spéciale. Voici votre jingle. Love in Fun. Stop au blues du dimanche avec Karel, Alice et Doc Pavageau dans Love in Fun. 22h minuit sur Fun Radio. Autant vous dire que ce jingle ne passera qu'une seule fois. Voilà. J'espère que vous l'avez enregistré. Ah oui. Plus ringard, y a pas. Et je peux vous dire que nos week-ends ont été dance floor. À commencer par Doc qui est là. Bonsoir Doc. Bonsoir. Ça va, un bon week-end, Doc? Oui, très très bon, excellent. Ah, je suis content de voir que tu arrives à tenir droit sur ta chaise. Hein, tu ne t'es pas encore affalé. Non, aujourd'hui on n'a pas bu du tout. T'as été en Bourgogne, c'est Doc. Ça. Je ne connaissais pas du tout cette région et c'est très très beau. Ah, c'est la région de Coco du Standard. Oui, il m'a donné plein de conseils. Ouais, des bonnes adresses. Que j'ai pas suivies. Mais je suis allé ailleurs. Mais c'était très bien, voilà. Et on a posté une petite photo de Doc qui bronze. Ouais. Hein, sur samedi, il faisait 27. Hein, donc, sur un petit transat. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'était trop cool. Et il a fait tellement beau là ce week-end. J'espère que vous en avez bien profité. Alice, elle, on l'a vu, c'est vrai, avec une petite épaule dénudée. Ah, oh, ça va. Dans un hôtel. Oui. T'as dormi dans la Tour Eiffel. Exactement. Non, mais je me suis fait un petit week-end de kiff. En fait, c'était dans un hôtel. C'est vachement sympa le concept parce que tu peux dormir en fait dans les monuments de Paris. Tu vois, donc t'avais genre Opéra, le musée d'Orsay, t'avais plein d'autres trucs. T'avais le Moulin Rouge et moi j'avais la Tour Eiffel. Oh putain. C'est ça. Ça s'appelle l'hôtel secret de Paris et c'est un truc de ouf. Non, franchement, c'était très sympa. Eh ben pareil, l'Instagram de Fun Radio pour voir Alice avec une épaule dénudée et ça franchement. Ça va, mon petit peignoir. Ah bah moi je like. Je like de ouf. Moi, j'ai passé mon week-end sur Call of Duty Black Ops 4. Les ampoules. Qui est un Black Ops que j'ai beaucoup aimé. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont demandé s'il était bien ou pas. Alors, je sais qu'il divise le jeu, mais moi, je vous le recommande. Vraiment, j'ai passé un super week-end là-dessus. Kassim. Ouais. Ça va, Kassim? Ouais, très bien. Je te dérange pas? Non, le ça mec, va. Le mec, il est limite en train de regarder la télé, tu sais. Hein, c'est le mec dans les étoiles. Non, ça va, je suis là. T'as passé un bon week-end? On te voit faire des travaux sur ta photo du week-end. Ouais, j'ai posé du parquet. Voilà. Et je me suis branlé sur les photos d'Alice. Oh, aussi, attends, il y avait son petite épaule. Mais une épaule. Un bout de sein, non, mais vas-y. N'importe quoi, il n'y avait pas de bout de sein, il y avait une épaule. Allez ça voir, va. On se croirait au 18e siècle. Bah, bien sûr, attendez. C'est ça, attends, mais c'est de l'art, épaule, ça enfin. Ça va. Non seulement c'est de l'art, mais c'est un sacré bel artiste. Hein. Non, c'est vrai. Franchement, alors. Il y a Coco du Standard qui a passé un bon week-end aussi, a priori. Ah non, émoticône caca pour moi. Pourquoi, Coco? Ah, c'était de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour, t'es, pour ta photo là, avec tous tes rouleaux de papier cul? Exactement, c'est ça. J'étais pas bien ce week-end. Oh, le beau petit chat. Je me faisais chier sans toi, Karel. Ah, ah suceur. Écoute, on fera un week-end call-off le week-end prochain. D'accord. C'est cool, on jouera en ligne ensemble. Ah ouais, ça, alors ça, tu peux compter sur moi. Et en plus, ils ont un nouveau mode. Bah, tu l'as vu. Ouais, Battle Royale. Exactement. Alors, on va s'en occuper. Alors, il y a Méloche aussi qui fait partie de cette équipe. Bonsoir Méloche. Bonsoir. Bonsoir Méloche. Salut. Je vous pose la question habituelle. As-tu fait l'amour? Non, toujours pas. Ça fait combien de jours que t'as pas fait l'amour? 542. 542 jours, les amis, oui. Une petite trotte, hein. Ah bah ouais, ouais. Pourtant, tout, enfin, tu demandes que ça, quelque part, de faire des rencontres et tout. Ouais, ouais, après, je cherche la bonne teub, quoi. Voilà. Bien, bien, bien décaloté, bien propre, pas trop de poils, voilà, quoi. Eh bien, voilà, et c'est bientôt ton anniversaire. C'est ça. C'est quand? C'est mardi. Ouais. Oh, tu vas en avoir des belles teubs. Mardi, ce sera la fête de toutes les teubs. La fête du slip. Voilà, on n'en dit pas plus. On prépare une belle surprise, bien sûr. Ouais. Monsieur Méloche. Oui. Bah oui, oui, oui. On va accueillir Renaud, c'est notre auditeur du soir. Bonsoir Renaud. Salut l'équipe. Salut Renaud. On a tous parlé de notre week-end. Déjà, je te présente. T'as 25 ans, t'es agent de sécu, oui. t'es à Toulon. Ce soir, t'es off. Hein, tu bosses pas. Impeccable, c'est ça, c'est bien ça. Bon, Renaud, ça fait un an que t'es célibataire et t'en peux plus. Voilà, je suis au bout du rouleau là. Alors, j'ai eu. Moi, j'appelle toujours l'auditeur du soir. J'appelle toujours l'auditeur. Laisse-moi parler, Renaud. J'appelle toujours l'auditeur du soir avant l'émission. Et c'est vrai qu'on a discuté un petit peu. Et tu m'as dit que, voilà, Méloche, tu l'as trouvée charmante. Bah oui, oui, je l'invite même sur Toulon, si elle veut. Oh, sympa. Voilà, une ça. Proposition pour aller faire un petit week-end à Toulon, Méloche. Tout ça, ouais, Toulon, voilà. Ça peut être sympa, ouais. Et c'est une belle région, hein. C'est une belle petite ville. Écoute, je viens et tu me fais visiter. Renaud, voilà, pas de soucis. Renaud, par exemple, si tu devais faire passer un petit week-end à Méloche à Toulon, fais-la rêver, qu'est-ce que tu ferais avec elle? Oh bah là il fait encore beau, donc on ferait une petite journée paddle et puis on irait manger au restaurant et puis au bord de mer. Allez, petite journée paddle, vas-y. Vas-y, tu prendras ta tub comme pagaie. elle est infernale. Hein. Vous savez quoi? Insolente, hein, ça Méloche. Je peux vous assurer que Méloche, dans deux semaines, ça y est, c'est fini ces histoires de jour. Elle n'en peut plus. Hein. Elle n'en peut plus. Renaud, tu vas choisir la musique. Oui, Jason Derulo. Goodbye. Jason Derulo dans l'émission avec Goodbye et ça c'est Calvin Harris, Promises. Dans l'émission aussi ce soir on écoutera Loud Luxury avec Body. Body. J'ai parlé de l'équipe, j'ai parlé des week-ends et j'ai même pas donné le numéro de téléphone. Oh là là, tu manques à tous tes devoirs. Ça va, calmez-vous. Je vais le donner. 01 42 48 5000. Love in Fun, tous les soirs, c'est une émission de libre antenne. Avec un médecin, Doc, qui est là. Bon, dans l'état dont, que vous connaissez, hein, bien sûr. Donc, si ce soir il y a des conseils à moitié, ça ne m'étonnerait pas. C'est la Bourgogne. Le meursault, c'est bon. Voilà, il est déjà dedans. Et avec un vrai médecin, il est sexologue. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, et puis à tous les conseils de l'équipe, et puis surtout vos conseils. On parle de tout dans cette émission sans tabou. On n'hésite pas. Et on va d'ailleurs accueillir Ninon, 24 ans, Damien, c'est Ninon, notre première auditrice. Bonsoir Ninon. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut. Bonsoir Ninon. Comment s'est passé ton week-end, Ninon? Écoute, ça a été plutôt bien. Quelle est ta météo aujourd'hui? Ah oui, ta météo interne. Ta météo interne. Écoute, il y a quelques étoiles, donc ça va. Ah oui, mais c'est la nuit alors. Ouais, oui, c'est la nuit. Alors, il y a des étoiles, mais c'est la nuit. Raconte-nous. Il y a un petit souci, un truc qui va pas, tu veux nous parler de quoi? Ouais, en fait, je suis super énervée. Pour la faire court, en fait, mon mec, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il me touche jamais. D'accord. Mais alors jamais. Ouais. C'est-à-dire qu'en 6 mois qu'on est ensemble, on a dû le faire 6 fois. Je suis en train de péter un câble. J'ai beau tout essayer, mais tout, hein. Les jeux, les déguisements, les si, les là, je le cherche sur tous les points. Il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que je ne l'intéresse pas. Ouais. Alors que ça faisait un moment qu'on se connaissait déjà avant. On était potes, il parlait tout le temps de cul et tout. Et puis là, j'ai l'impression limite d'être une info, quoi, parce que lui, il n'y a rien à faire. Et donc, ça existe les pertes de libido dans le couple? Oui, alors déjà, il faudrait savoir quelle est sa libido normalement. Peut-être que c'est un mec qui n'en a pas beaucoup, et puis c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. C'est peut-être pas propre à toi, hein. Ça existe. Ouais, ça peut paraître. Même. Ça peut paraître bizarre, mais non, ça existe. Il y a des hommes qui... Le mec, je lui mets quand même jusqu'à des films de cul pour essayer d'obtenir quelque chose. Il n'y a rien à faire. Alors, après, il peut y avoir un autre truc, c'est que ça peut lui mettre un peu la pression. Si c'est toujours toi qui viens le chercher, imaginons qu'il ait une libido plus basse que la tienne, assurément. Si tu le... T'essayes de le stimuler, tu viens le chercher, tu le pousses, on va dire un peu, tu vois, tu le forces, ça peut le bloquer, mais complètement. Parce que le désir, c'est un truc qui doit naître spontanément d'une sorte d'un espace vide. Mais il faut que ce soit le sien. Donc si toi, t'essayes tout le temps de le remplir, ça a pas le temps de surgir de sa part. Donc ça viendra pas de lui. Il faut que ça vienne de lui. Jamais de sa part, en fait. Jamais. Ouais, depuis qu'on s'est mis ensemble. C'est jamais arrivé, en fait. Oui, mais c'est certainement... Alors, c'est une des hypothèses, hein. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est de lui laisser plus de temps, voilà, où tu vas pas le chercher, et tu le laisses venir à son rythme, même si c'est moins, mais il faut que ça vienne de lui. Et puis après, il y a mais une autre chose... Mais c'est possible que c'est le problème, il vienne de moi? Non, mais c'est pas ça qu'il j'entends dit. Pas beaucoup. Non, je dis pas que le problème vient de toi. Je dis juste que toi, c'est normal aussi que t'essayes, hein, et t'essayes de le stimuler, tout ceci est normal, mais ça peut le bloquer. Donc, il y a une solution entre-temps, c'est d'en parler. Franchement, en mettant carte sur table. Donc, est-ce que la communication est possible sur ce sujet-là entre vous? Ouais, c'est la communication est possible, mais c'est compliqué à aborder. C'est quelqu'un d'assez réservé, il parle pas très librement, en fait, des choses. Donc, du coup, en fait, j'arrive pas à le suivre. Je le comprends pas. Qu'est-ce que tu lui as déjà dit ou quelle question tu lui as posée? À quel moment? Mais par exemple, un exemple bête, je vais lui proposer un jeu, il va me dire ouais, ok, on va faire le jeu et puis rien quoi. Il s'en fout de ta gueule. Inactif. Non mais peut-être. Oui. Bien sûr, on peut pas évidemment. Hein, une des autres réponses, c'est que peut-être que. Ah, peut-être qu'il te trompe. Ou qu'il a pas de libido, même quoi. Même sans ça, peut-être que tu le stimules pas et que c'est comme ça et que finalement ça lui fait rien et que c'est franchement que... c'est dur parce que c'est le grand jeu. Ben Nino, mais c'est peut-être trop. Je pense qu'il faut que vous arriviez à en parler, pas pendant que t'essayes, mais en dehors, à froid, en disant, écoute, moi j'aime bien ça, j'aime bien faire l'amour pour si, et toi, qu'est-ce que t'aimes, comment ça pourrait marcher, qu'est-ce que toi tu voudrais, il faut mettre le sujet sur table. Hein, on va faire mieux que ça, Doc, on va l'appeler, puisque Ninon nous a laissé le numéro de téléphone de son mec. Ouais, je vous dirai le numéro, ouais. C'est un peu ça que tu voulais. Ah, Alice, t'es déjà tombée, toi, sur un mec comme ça qui avait pas de libido et tout? Ouais. Carrément. Et en fait, j'ai jamais su la vraie raison, tu vois. Ça se trouve, il avait quelqu'un d'autre, mais je pense pas parce que j'ai essayé d'en parler. Je me suis même demandé s'il était pas, juste pas attiré par les meufs, mais qu'il osait pas forcément me le dire. Ah ouais, carrément. Mais c'était du style, genre. Toi, quoi. Mais genre, je m'allongeais. Arrête, tu crois un truc comme ça, c'est possible. Ah, mais merde. Ah, moi, j'ai une libido de malade avec quelqu'un. Bien sûr, et t'as du mal à. Et attends, mais ça m'est déjà arrivé d'être avec un mec où, genre, je m'allongeais à poil sur lui, le mec ne bandait pas, quoi. Mais comment? Tu sais? Mais moi, je bande déjà. C'est ça. T'es genre en string, tu fais style, t'as fait tomber quelque chose. Pour bien être les fesses penchées devant lui, il n'y a aucune réaction. Mais même les déguisements et tout, il n'y a rien à faire. Chez certains hommes, ça peut être trop. C'est leur mettre la pression. C'est je la vois venir. Je veux la voir venir. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, mais non, mais elle viendra pas. Le mec, il est couché à côté de moi, je suis toute nue, je me colle à lui et tout, il n'y a rien. Mais c'est il ça. Te voit venir, là. C'est-à-dire, chez certains hommes, ça, alors avec une libido qui n'est pas forte chez eux, c'est sûr, hein, ça peut leur faire se dire ah ouais, il va falloir que j'y aille, là. Et ça, c'est mort, ça tue le désir. Mais moi, j'ai eu le même problème avec les filles, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une grosse libido, donc j'allais coller ma teub dans le dos. Elle te sentait venir. Et puis je la tapotais et tout. Et puis il s'est passé rien quoi. J'ai envie de dormir. Mais c'est dur d'être avec une personne comme ça. Moi je me rappelle, je faisais style de ramasser quelque chose et le mec au lieu de bander, il m'aidait à le ramasser quoi, tu vois. Débile. Après ouais mais tu vois c'est pas comme si je lui demandais tous les jours. Bah oui. Mais une fois par mois quoi, c'est chaud quand même. Ninon, on va l'appeler dans un instant. Ouais. Une fois par mois c'est l'objectif parce que là c'est même pas une fois par an. Et on peut comprendre qu'au bout d'un moment t'en es marre et que t'as envie de te barrer quoi. Parce que quand on est amoureux, c'est bien, mais quand on fait l'amour, c'est encore mieux. L'un ne va pas sans l'autre. Ça fait partie du package. Allez, dites-nous, ça vous est déjà arrivé justement. Et est-ce que selon vous, la libido dans le couple, c'est important? Venez nous raconter si vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui n'avait pas de libido ou au contraire une grosse libido. 01 42 48 5000. Ninon? Ouais. Toi aussi, t'as le droit de faire l'amour, Ninon. Et on va t'aider dans un instant. Moi aussi, j'ai le droit. On va l'appeler, Lucas. On va le faire bander ce soir. Restez avec nous. Dans un instant, notre mission, c'est de faire bander Lucas ce soir. Et on va écouter Z aussi. Ça, c'est bien. C'est Happy Now sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez Loving Fun en stream vidéo sur funradio.fr. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Voilà. Merci, je suis super contente. Et ça s'entend. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie, Annoncy? J'ai 22 ans et je suis actuellement à la recherche d'un emploi. 349,51 €. C'est ça. Je te paye ta facture, je te paye ton loyer. C'est super, je vous remercie beaucoup, je suis trop contente. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans d'octobre. Moi, chez Orange, j'ai eu mon Huawei P20 à 379,90 €. La qualité à ce prix-là, ça change tout. Et moi, chez Orange, mon Huawei P20, je l'ai eu sans forfait, sans engagement, tout seul, quoi. T'as quand même le chargeur, j'espère. Avec Orange, profitez de la haute technologie à prix réduit avec le Huawei P20 débloqué à 379,90 € au lieu de 599,90 €. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 24 octobre. Détails en boutique et sur orange.fr. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 € de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. 01 42 48 5000. Love Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. On est dimanche soir, on est en direct sur funradio.fr en streaming vidéo bien sûr. Et dans un instant, on va appeler le copain de Ninon qui ne fait plus l'amour avec Ninon. Elle en a marre, elle a beaucoup de libido, elle a tout tenté et rien n'y fait. La solution, elle est toute trouvée. On va l'appeler en direct dans un instant avec Doc, avec Alice. Je m'appelle Karel, 01 42 48 5000 pour nous appeler bien sûr. Et voici Z. Would you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, the wash and the weight of your pockets so deep. Lonely. You're a world You keep on talking sweet till your fingers bleed, but don't you dare ask me how I've been. Now only you know the strength in your teeth, the washing the weight of your pockets so deep. Lonely, you're a world away, somewhere in a crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell Happy Now sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et allez tous sur l'Instagram de Fun Radio. On vient de vous poster une petite photo qui correspond au week-end de toute l'équipe. Oui. Alice. Voilà, en peignoir, hein, avec une petite épaule dénudée, Doc qui fait du bronzage, moi qui suis sur Call of Duty 4. Et surtout, on vous offre en plus le pack Love in Fun pour tous ceux qui vont commenter. Oui. Vous mettez un petit commentaire avec un petit smiley qui va, voilà, qui va correspondre à votre week-end. C'est ça, vous décrivez votre week-end en commentaire sur l'Instagram de Fun Radio et puis vous participez au tirage au sort. Petit cadeau à gagner et on va retrouver Ninon, 24 ans d'Amiens. Bonsoir Ninon. Rebonsoir. Salut. Ninon, elle a le feu. Elle a le feu. Non mais c'est vrai, c'est une bonne expression. Elle a le feu. Elle a chaud. Elle a envie de faire l'amour. Elle a un mec et son mec il veut pas faire l'amour avec elle. Elle nous a expliqué qu'elle faisait tout pour l'exciter et pourtant rien ne se passait. Les premiers conseils de Doc, c'est peut-être d'arrêter de tout faire hein, pour que finalement ça vienne aussi un petit peu de lui. Et surtout, Ninon, tu nous as donné son numéro de téléphone pour que peut-être on puisse t'aider à que tu fasses l'amour, quoi. À résoudre ce problème. Ah, bien sûr. Mais bien il va demander, Ninon. Ah, je comprends. Et j'ai une question, Doc. Mm-hmm. Est-ce que si on arrête de faire l'amour pendant plusieurs années, l'hymen peut se refermer? Non, pas. C'est une des questions à la con, c'est ça? Non. Et le pénis ne tombe pas? Du tout. Non. Ça ne se referme jamais. Et pour les hommes? Parce que les hommes disent toujours, oui, mais j'ai des besoins. Si je fais pas l'amour pendant tant de temps, je peux avoir des problèmes. Ah, si les couilles explosent. Mais tu vois, il y a toujours des trucs comme ça. Rien du tout. Arrête tes conneries. C'est le secret des hommes. Je veux l'explication de Doc. Le métabolisme s'adapte. C'est-à-dire que le taux de moins t'as de rapports sexuels, plus le taux de testostérone baisse pour pas que t'aies plus envie que tu n'as de rapports sexuels. Et ça baisse. Bon, voilà. Bah voilà les mecs. Tu peux t'en passer largement pendant très longtemps. Après, c'est construit. Voilà. Elle va pas tomber, quoi. Hein, Karel? Là, si ça continue comme ça, je pense qu'on aura la première expérience d'hymen qui se referme, quand même. Il se reconstruit. Ouais, franchement, ce que vient de dire Doc, c'est des conneries. Non, je suis très contente de l'avoir entendu. Oh, c'est juste scientifique. Ça peut ne pas être ton expérience, mais c'est scientifique. Ça va, c'est pas parce que t'es médecin que tu sais ce genre de choses, Doc. Et encore moins parce que t'es sexologue. Alors arrête de te la péter. Ninon, on va appeler ton mec, d'accord? Ouais. Hein, il s'appelle Lucas. Tu veux lui parler ou tu veux qu'on lui parle? Un peu des deux, on va faire des deux. Ouais, tu commences. C'est parti, on l'appelle. Il est où, là, ton mec? Je sais pas, il doit être chez lui, je pense. D'accord. Allô? Allô, bébé, c'est moi. Pourquoi tu m'appelles en numéro masqué? Parce que en fait je t'explique, ça fait plusieurs fois qu'on en a déjà parlé et je suis désolée de te faire ça, mais en fait je passe directement par une radio en fait pour vraiment comprendre, parce que j'ai beau tout essayer avec toi et nous niveau sexuel en fait ça va pas, c'est pas possible, c'est ça suffit pas. Tu m'appelles via la radio? Ouais. Ouais, je sais, ça va te saouler. Ouais, genre là, ouais, je sais, ça va te saouler et tout. Mais à un moment donné, moi, je sais plus comment faire. Et je sais que, voilà, là-bas, il y a un médecin, il y a tout ce qu'il faut pour nous donner des conseils. On se connaît quand même depuis longtemps. Ça fait quand même 6 mois qu'on est ensemble. Et là, il faut trouver une solution. C'est plus possible. Tu vois? Ouais, mais bon, on pouvait en parler normal. Là, à la radio. On en a déjà parlé normal et ça donne rien. Ça donne rien, en fait. Tu vois? Mais c'est privé quand même. Ouais, mais bon, se faire aider, c'est. Voilà. Tu vois? Bonsoir, Lucas. Ouais. Salut, Lucas. Salut. On est là. T'inquiète plus. Maintenant, ton problème va être résolu. Hein? Salut Lucas. Bien sûr, on est en direct sur Fun Radio, Lucas. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un sujet un peu privé, un peu sensible. Et c'est pour ça que t'es totalement anonyme. Hein, et que, voilà. Certes, il y a des gens qui écoutent, hein, des auditeurs qu'on adore. Mais ici, on est en famille. D'accord, Lucas? On a Doc qui est là, qui est médecin, qui est sexologue. Hein, et on va te faire économiser 80 euros dans cette histoire. Hein? Même plus, il y aurait besoin de plusieurs séances. Et bien sûr. Alors Lucas, par contre, je vais juste te demander quelque chose. C'est essayer peut-être de t'isoler, parce que là, on entend qu'il y a un petit peu de bruit autour de toi et ça va être embêtant. Ouais, c'est du vent. C'est du vent, tout à fait. Alors, on est content de savoir qu'à Amiens, il y a un petit peu de vent. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est toi et ta libido, Lucas. Est-ce que tu peux nous en parler, si tu veux, bien sûr. Enfin, si tu acceptes que ça aille un petit peu mieux avec ta copine. Parce que si Ninon, elle nous appelle ce soir, c'est parce qu'elle n'en peut plus, quoi. Oui. Elle a chaton feu. C'est la dernière chance pour elle, ouais. Un peu. Voilà. Elle ne sait plus quoi faire. Si elle nous a appelé, c'est parce qu'elle a eu beau en parler, essayer, etc. Elle ne sait plus quoi faire. Et donc, elle se dit, je vais chercher de l'aide. Donc, ça peut s'entendre, hein. Ouais. Alors. Ouais, mais bon, c'est quand même assez spécial, quoi. Enfin, c'est inattendu, comme on dit. Bien sûr, mais oui. Si vraiment, ça fait plusieurs fois qu'elle t'en parle, apparemment. Si vraiment tu l'aimes, t'as des sentiments pour elle, tu veux arranger les choses ou même lui faire comprendre quelque chose, parce que des fois, c'est juste qu'on a du mal, on n'ose pas dire les choses. Donc, si c'est le cas, c'est peut-être le moment d'en parler avec elle et de. Enfin, elle a le droit de savoir et de pas être dans la frustration permanente. Mets-toi un peu à sa place. Elle essaye de te comprendre, essaye de faire la même chose pour elle ce soir. Ouais, mais ça va dans les deux sens. Bah, elle nous dit justement qu'au contraire, elle fait tout pour que vous fassiez l'amour et toi, bah, tu la refoules toujours un peu, quoi. Ouais, mais bon, quand c'est tous les jours, j'ai une vie sociale, j'ai pas que ça à faire. Ah, ok. Non mais voilà, ça c'est un argument, ça attends, s'entend. Attends, t'es sérieux? T'es sérieux? Ah, genre, ça nous arrive combien de fois? Le rythme, il est tout pourri, quoi. Bah, c'est suffisant, non? Non, c'est pas suffisant pour Ninon, Lucas. Tu comprends? Est-ce que t'es encore amoureux d'elle? Bah ouais, mais bon, c'est l'amour, c'est pas que le sexe, hein. Et justement, on peut se voir, faire ça tout le temps. Et est-ce que t'as encore, enfin, est-ce que tu bandes encore pour elle? Bah ouais. Ah, pas trop, ah, bon a priori. Bah tous les jours, c'est chiant, quoi. Y a pas que ça à faire. Y a pas que ça à faire, hein. Putain. Quand vous faites l'amour, il se passe quoi, en fait? Vous faites chier? Bah, à la base, non. Mais non, réponds pas. Lucas, quand tu fais l'amour, t'as l'impression de faire un truc un peu chiant? Non, mais quand j'en ai envie, quoi. Mais est-ce que tu te masturbes à côté? Ah non. Non, non plus. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'excitent que malheureusement tu peux pas faire avec Ninon et du coup ça te bloque un peu? Bah non, pas forcément. C'est juste que tous les jours c'est un peu lassant, quoi. Mais tu le fais jamais? Elle a dit que c'est même pas une fois par mois, que ça fait 6 mois que vous êtes ensemble et qu'en gros la moyenne c'est à peu près ça, quoi. Et donc bon, ça fait pas beaucoup. Alors peut-être qu'elle vient. Est-ce que tu trouves qu'elle vient trop vers toi? Bah c'est pas qu'elle vient trop vers moi, c'est juste que tous les jours c'est enfin bloc, quoi. Je sais pas, une fois par mois, moi ça va. C'est pas tous les jours dans ces cas-là, je sais pas. Je voudrais le faire tous les jours, je me serais mis avec une salope, excusez-moi de le dire. Mais t'as pété un câble. Non, mais c'est intéressant. T'as complètement pété un câble. C'est ta vision de la sexualité. Génial. Là. Mais on peut avoir envie tous les jours et sans être une salope, hein, quand même, Lucas. Mais peu importe, toi, ce que tu veux dire en tout cas, c'est que ton rythme naturel, c'est celui que t'as là. C'est ça? Bah, moi, ça me suffit comme ça. C'est quoi ton idéal, du coup? Nombre de fois par mois ou par semaine, ce serait quoi? On va dire 3-4 fois par mois, ça va. Ouais, en genre une fois par semaine. Ouais, ça va, il y a pire. C'est déjà plus que ce que vous faites en ce moment. Ah bah ouais, là c'est une fois tous les trois mois. Mais évidemment, en même temps, elle m'aiguille tous les jours, je vais pas... Mais donc c'est ça, donc c'est bien ça. Donc tu trouves qu'elle te chauffe trop et qu'elle vient, elle te demande trop en fait. Et toi, ça te bloque. C'est souvent. Comment ? Mais tous les jours comme ça, c'est souvent que c'est la répétition. Et toi, ça te bloque, c'est ça ? Bah ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, tu le dirais comment toi, si tu le disais pas comme ça ? Je dirais que ça. Ah, pour le dire vulgairement, ça me casserait les couilles quand même, quoi. Ouais. Et tu la trouves encore sexy ? Ouais, bah ouais, sinon je serais plus avec. Ah putain, et donc c'est quand même important. T'as l'air blasé, hein, Lucas, quand même. Ouais, t'écouter là comme ça, là. Tu sais, et puis tes a priori, tes a priori sur les filles qui feraient l'amour tous les jours, qui seraient des salopes, c'est pas possible que tu dises ça, Lucas. Tu te rends compte ou pas, quoi ? Excuse-moi de te le dire, mais c'est débile, hein. Bah, chacun ses opinions. Ouais, mais c'est une opinion de merde. Excuse-moi. Hein, bah oui, c'est ridicule. Enfin, je trouve ça complètement bizarre parce que ça changerait. En plus, elle est en couple avec toi. Elle te désire juste. Elle t'aime juste au point qu'elle a besoin de trucs physiques. Mais est-ce que toi, t'as des. Tous les jours. Ah, mais c'est ta meuf. Je veux dire, elle veut faire l'amour tous les jours. Tu vois, c'est peut-être pas tous les jours. On dirait que ça te dégoûte. Est-ce que t'as déjà eu une expérience homosexuelle ? Enfin, je tente, hein, comme ça. Moi, non, mais je pose des questions comme ça. Bah non. J'en sais rien. Et est-ce que tu t'es déjà masturbé sur ce genre de choses ? Bah non, jamais. C'était la même chose avec tes ex-copines ? De toute façon, ton rythme à toi, c'était toujours une fois par mois ? Ça a toujours été ? Bah, peut-être pas toujours non plus, mais bon... Bon, en tout cas, en ce moment, c'est pas une période dingue à ce niveau-là. Alors, normalement, dans une histoire comme ça, il faut trouver un compromis pour que ça aille un peu... Pour les deux, c'est-à-dire que toi, tous les jours, c'est trop. Une fois par mois, c'est pas assez. Toi, tu dis que une fois par semaine, ce serait bien. Est-ce que Ninon, une fois par semaine, ça irait ? Une fois par semaine, c'est quand même un peu l'edge. Je veux dire, si je peux me permettre, je veux dire, je fais quand même les choses. Je veux dire, l'autre jour, il était en train de regarder la télé, tranquille. Ouais. Je me suis mis en petite tenue de ménage et tout sexy. Je commence à la guicher un petit peu, genre limite, casse-toi quoi. Oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure, hein, Ninon. Tu vois, et là tu l'entends bien, c'est ce qu'il dit. Tu viens trop. Donc il y a un rythme à trouver entre vous deux, moins que ce que toi t'y vas. T'as dit c'était le foot. Regardez le foot. Et alors, je suis plus importante que le foot quand même à la base. Cherche pas à mettre des niveaux d'importance entre le foot ou pas, hein, Ninon. Ouais, faut pas chercher à te comparer. Faut pas chercher à comparer avec du foot ou pas du foot, des potes ou pas des potes. Il y a rien à comparer. C'est juste que tu vas trop vers lui, donc bah ça le bloque. Il est un peu égoïste aussi quand même. Hein. Oui, mais faut trouver un compromis entre les deux. De toute façon, il y a pas d'autre solution. Donc là, le sujet est posé. Faut trouver un juste milieu entre les deux. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, on a dit ce qu'on avait à dire à Lucas. Effectivement, Ninon, il y a un gros décalage entre vous deux, et même ne serait-ce que dans la voix et la façon d'être. Mais bon, si vous êtes amoureux, il faut trouver des solutions. Là, la solution, le conseil de Doc, hein, c'est vraiment important pour toi, Ninon. Trouver le juste milieu entre les deux. Et j'espère que le message sera passé auprès de Lucas ce soir. On te fait des gros bisous, en tout cas, Ninon. Ok, ça marche. Gros bisous. Bon, et on va te rappeler dans la semaine là pour savoir comment ça se passe. D'accord? Ouais, ça marche, pas de soucis. Bon bah gros bisous à tous les deux. Merci beaucoup, bisous l'équipe. Salut les amoureux, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé un petit peu de la vision des choses de Lucas, parce que il est pas le seul à être comme ça, et puis parfois ce sont les filles aussi qui n'ont pas trop de libido. Est-ce que pour vous le sexe c'est vraiment important dans le couple ? On peut en parler de ça, hein. 01 42 48 5000. En attendant, c'est Jason Derulo et David Guetta, goodbye. So you phone me, one word in Espanol, babe. And I come and you know, girls in Haiti, they throw it. In Jamaica, they roll it. Girls in Spain do the mostest. But only you got my focus. Girl, I'm down for your loving. Down for my footy footy. Down for your loving. Down for my naughty naughty. Down for your loving. I'm giving you loving. Stay with me, cause it's time to say goodbye. Say goodbye, but don't leave me alone. Just stay for the night. expliquons quels sont les titi. Parlez-vous français? Oui, oui, oui. See my pen? Why you sell Nikki boot just to drive in? The way my football just give me the Heisman. Touchdown. Cause it's time to say goodbye. Yeah. Jason Derulo et David Guetta sur Fun Radio. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Retrouvez-nous sur Instagram, l'Instagram de Fun Radio. On vous a posté une petite photo. Mettez-nous en commentaire avec un smiley. Aubergine. Le week-end que vous avez passé représente un smiley. Oui, alors, c'est ça. Si c'est une aubergine, c'est plutôt bon signe. Ah oui, c'est ça. Aubergine pêche, banane, en général, c'est plutôt sympa. Voilà, on a envie de voir beaucoup de soleil. Hein, ah oui, du soleil. Dites-nous si vous avez passé un bon week-end là, sur l'Instagram de Fun Radio. En plus, on vous régale, il y aura un petit tirage au sort, on fiera des petits packs fun. Ouais, carrément. Et là, tu vois, par exemple, il y a Kenny qui a mis un commentaire avec plein de gâteaux d'anniversaire parce que c'était son anniversaire ce week-end. Alors, bon anniversaire, Kenny. Joyeux anniversaire Kenny. Renaud, notre auditeur du soir, t'as été sur l'Instagram, Renaud? Oui, je vous suis, j'y étais, j'ai même mis un smiley. Ah, t'as mis un smiley quoi toi, Renaud? J'ai mis un gros smile. Un gros smile, t'as passé un bon week-end toi? C'est impeccable. On parle de la libido. Après le boulot, comme ça, une semaine de boulot, c'est bon. Eh ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous, Renaud. Tu as entendu, là, on parle de la libido dans le couple. Est-ce que faire l'amour dans un couple, c'est important ou pas? Pour toi, Renaud, qui est célibataire depuis plus d'un an, j'imagine que ça te rappelle des bons souvenirs. Hein oui, hein, surtout au bout d'un an, là, ça devient un peu compliqué. Là, t'as pas fait l'amour depuis un an, là? Ah si, j'ai fait quand même, mais En couple. Non, je me suis pas mis en couple, quoi, ouais, comme dirait Alice, ouais. D'accord, mais t'as quand même eu des relations et tout, quoi. Des relations, oui. Quand t'es en couple, toi, Renaud, par exemple, la dernière fille avec qui t'étais en couple, tu faisais l'amour régulièrement, pas régulièrement? Non, pas régulièrement, je te dis, on n'est pas en couple, donc c'est on se voit quand on se voit, et puis voilà, c'est tout. Mais quand t'es en couple, Renaud, putain, écoute les questions, merde. En couple, régulièrement, oui, plus... c'est pas comme Lucas une fois par mois, quoi. C'est pratiquement tous les jours. Oui, c'est ça. Hein. Ah, mais pratiquement tous les jours. Il paraît que c'est bon pour la santé de faire l'amour tous les jours. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon pour la santé. Ça éloigne les maladies cardiovasculaires et le cancer. Ouais. Oh là là. Je sais pas pourquoi, mais moi j'arrive à détecter dans les yeux de quelqu'un s'il a fait l'amour. Il y a comme un petit truc en plus. Il y a quoi en plus? Je sais pas. Il y a un truc en plus. Je le sens. Et là, quand je regarde Kassim, je vois que ce week-end n'a pas été un bon week-end. Ah non, c'est vrai. Ouais. Je sens les travaux. Mais je sens pas la petite levrette derrière la table de travail. Tu vois, ça je la sens pas. On va accueillir Nicolas, 17 ans d'Épinal. Il est avec nous là. Pas du tout. C'est Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doc. Bonsoir Maxime, il est poli Maxime, il a 25 ans, il est à Lorient, il est en Bretagne, ça va Maxime? Ça va nickel et vous? En pleine forme Maxime, t'as une copine? Non, j'ai un copain. T'as un copain. Et alors, est-ce que tu fais l'amour régulièrement, toi, Maxime? Bah, régulièrement, bah, dès qu'on se voit, oui, mais après, c'est pas, on n'est pas là à se sauter dessus, on n'est pas des animaux, quoi. Non, mais c'est quoi ces phrases toutes faites? On n'est pas des animaux, mais si t'as envie d'être un petit peu animal. Mais hein oui, il n'y a pas de mal à ça. Et nous sommes des animaux. Ça, hein. Ça, côté animal, c'est de temps en temps. Ça, c'est, on y vient. La grosse excitation voilà. Est là, mais sinon, voilà. Je rappelle que nous sommes des mammifères. Absolument. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que le sexe, il est important dans ton couple, Maxime? Bah, le sexe est important. Bah voilà, quand on aime quelqu'un, enfin c'est les sentiments sont là, donc bah, ça montre le désir aussi qu'on a l'un envers l'autre. Donc pour moi, oui, bah oui, c'est et important. Donc mais après de là à faire après, bon après c'est un peu compliqué avec mon copain parce qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre. Donc mais après c'est pas, enfin voilà. Mais quand vous voyez, tous les jours. Quand vous voyez, vous faites l'amour, c'est obligatoire. Ah, bah bien sûr. Oui, bah oui, oui. T'as déjà eu des problèmes de fréquence de rapports sexuels qui soient pas du tout les mêmes qu'avec qu'avec un de tes copains? Toi très envie puis lui pas du tout ou l'inverse? Oui avec un de mes ex-copains oui. Ah oui. C'était dans quel sens? Bah c'est moi qui avais pas envie et puis et puis lui c'était tout tous les jours quoi. Et t'as compris pourquoi? Oui j'ai compris pourquoi parce que moi j'étais fatigué parce que je faisais tout dans la baraque. Et puis je bossais de nuit et puis moi je travaillais les week-ends et lui non, donc quand j'arrivais le matin à 7h, chérie, oui en fait non, je suis fatigué, je vais me taper le boulot, j'ai qu'à envie c'est de dormir. Bien sûr, mais il y a des périodes comme ça. Ça joue, ça peut jouer dans l'histoire qu'on a entendue avant aussi. Bien sûr, il y a des périodes où on est plus dedans, des périodes où on est moins dedans. Le tout, c'est de jamais arrêter, quoi, et de continuer à se faire plaisir en couple. Émilie est avec nous aussi. Bonsoir, Émilie. Bonsoir toute l'équipe. Ouais, salut. Non, salut. Attends, c'est pas du jeu. Elle est à Marseille. Les Marseillais n'arrêtent pas de ken. Ah, c'est sûr. Non, mais bien sûr, ils sont dans le sud et tout. T'arrêtes. Quoi? Quoi? Mais non. Quoi, Émilie? Non, je surjoue pas du tout ma réaction. Non. Je t'assure que non. Non, mais sérieux, c'est-à-dire que toi, t'as pas de libido, Émilie? Non, j'ai plus de libido depuis presque 2 ans et demi. 2 ans et demi, t'as même été censurée par ton téléphone, ma chère. Non, c'est trop, quoi. T'as bien dit 2 ans et demi. Je suis choquée. 2 ans et demi. Mais t'es célibataire ou t'es en couple? Je suis célibataire depuis 1 an et demi. Ah, oui. Ah ouais, putain. D'accord. Bah oui, mais pendant un an avant. Okay. Ça fait c'est un ça. An et demi que t'es pendant en couple. Pendant un an, en fait, je me forçais à faire au moins une fois par semaine. Ah, oh, bah forcé. Putain, t'es bien sympa, plaisir, toi. Ouais, voilà. Mais après, parce que pour moi, par contre, le sexe, c'est très important dans un couple. C'est pour ça que quand j'étais en couple, quand même, je faisais l'effort de, voilà. C'est pas ouais. Parce que j'ai eu une perte de libido, j'essayais de, voilà, faire ouais. L'effort, on va dire que... Et tu trouves ça bien de se forcer? Non, je trouve pas ça bien, mais après, ça faisait longtemps que j'étais avec la personne, je l'aimais énormément, et je sais qu'il avait, besoin, voilà, on est passé de une fois par jour, voire 2 fois par jour, à plus rien du tout, donc après, je peux comprendre que c'est compliqué. Parce que ça, donc, c'est prouvé et montré, hein, que plus tu te forces et moins t'as envie. Bah oui. Oui, voilà, ça c'est vrai, par contre. Et ouais. Ça, donc c'est pas vrai. Le meilleur moyen pour que ça revienne. Ouais, ça me donnait pas du tout envie, encore moins envie, à chaque fois que je me forçais. Mais du coup, maintenant, je fais plus rien, ça me donne pas plus envie pour autant. C'est pas vrai, mais oui, mais là t'es avec personne, donc bon, peut-être oui, que voilà, peut-être que toi tu fonctionnes comme ça et que il faut que t'aies quelqu'un pour pouvoir avoir du désir. Moi, j'ai une question. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal parce que forcément, quand je rencontre quelqu'un, il va vouloir faire de suite. Mais du coup, vu que moi, j'ai pas très envie, j'ai pas envie de faire de suite. Moi, j'attendrai. Du coup, j'ai envie d'attendre et du coup, c'est bien. C'est un peu compliqué parce que du coup, personne tient 15 jours, quoi. Donc, ah bah si. C'est un bon moyen. C'est un bon moyen que ton corps a trouvé pour dire, moi, je vais voir ce que tu vaux et si, voilà, si tu tiens la route ou pas. On est capable d'attendre oui. 2 semaines, hein. Bah oui, 2 semaines quand même. Ah oui. Non, mais après, si c'est pour toi, Émilie, on est carrément capable, hein. Non, mais bien sûr. Et Émilie, donc le sexe pour toi, c'est pas si important que ça, c'est ça, dans le couple? Alors pour moi, c'était super important. Mais ma libido en a voulu autrement. Enfin, je sais pas comment expliquer. Avant, je faisais tout le temps. Enfin, j'aimais beaucoup le sexe. J'étais un peu comme, je crois, que c'était Manon avant avec son mec qui avait encore envie tous Ninon, les jours. Ninon. Voilà. Ouais. J'étais un peu comme Ninon. J'avais envie tout le temps, tous les jours. Je me régalais. Enfin, j'adorais vraiment le sexe. Et puis, j'ai plus du tout envie. Mais c'est passé tout seul. Ça a disparu comme ça. Ou c'est la fin de ton histoire. Un problème de santé quand même. Et, et voilà. Et du coup, à la suite de ça, en fait, ça m'a un peu bloquée. Et voilà, et depuis, je pense que j'ai l'appréhension, et du coup, j'ai plus du tout envie. Oui, si t'as de l'appréhension et de la peur, bah oui, ça donne pas envie. Ça c'est sûr. Il faut que tu réveilles ton volcan, Émilie. Ouais, bien sûr. Il faut que ça rentre en éruption, tout ça. Est-ce que tu te donnes du plaisir? Toute seule, oui. Bon. Ah bah, c'est bien. Sans pénétration. D'accord. D'accord. Voilà. Tu sais quoi, Émilie, allez hop, sextoy direct. Allez, et on en a un super pour toi en plus. C'est pour moi, c'est cadeau. Sextoy Lélo. C'est vrai. Ouais. C'est trop bien. On a le sauna là, sans pénétration, celui-là tu vas le kiffer. Hein. Il va te faire vibrer et ton volcan va y aller. Ah bah c'est ça, c'est trop bon ça. Et sans déconner, si tu ne deviens pas une femme fontaine avec ça, hein, tu vas voir Émilie. On te régale, d'accord? C'est pour nous. Super, merci. C'est cadeau. Allez. Salut. Bonne soirée. Gros bisous. Salut. C'est quoi, Émilie, elle t'arrivait, elle était, moi j'ai plus de libido et tout machin. Et là maintenant, elle va se faire kiffer avec un sextoy Lélo, le sauna. Je peux vous assurer que celui-là, il a été testé par Alice. Ah ouais. Elle est revenue le lendemain, elle avait des étoiles dans les yeux. Ouais, t'as plus besoin de personne hein, quand t'as le sauna Lélo, hein, ça c'est clair. Voilà, ça c'est problématique. C'est peut-être pas la solution pour elle alors. Oh, c'est très bien. C'est quoi, on va faire une rupture de stock sur ce sextoy. Restez avec nous dans un instant, nous allons jouer car ce soir, il y aura un nouvel examen avec nos deux candidats que nous allons accueillir dès maintenant. Nicolas, 17 ans d'Épinal. Bonsoir Nicolas. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Nicolas, on sent la concentration pour avoir son diplôme ce soir. Romain, 15 ans de Nancy. Romain. Salut l'équipe, ça va? Ça va bien. Romain, on va réparer ton téléphone. Tu seras avec nous dans un instant. Renaud, notre auditeur du soir, on te pose la question. Renaud, est-ce qu'on continue l'émission? On continue l'émission. Dans un instant sur Fun Radio, Sound of Legend. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. All About Sucker Down. Profitez bien, dimanche soir en direct, Love in Fun. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Cette semaine, votre mission est de jouer au double fun. Seuls les meilleurs des meilleurs gagneront le jeu le plus attendu, Call of Duty Black Ops 4. Go, go, go, go! Dès que vous entendez le double fun avec Calvin Harris et Dinoro mixé à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Gagnez votre PS4 plus le jeu Call of Duty Black Ops 4. La mission Double Fun, exclusivement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui. Et en plus, je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans et profitez de 50 euros de remis supplémentaires pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Téléchargez l'application gratuite Fun Radio. When the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. We flying high, superhero. That's Ice on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star. We got audio. Fun sur Fun Radio. C'est l'examen. Oui, c'est tous les soirs sur Fun Radio. L'occasion pour vous de gagner un diplôme exceptionnel, une création franchement qui a, voilà, qui a duré une bonne quinzaine de jours de la part de Clara, notre créatrice ici, qui fait tous les visuels de l'émission. D'ailleurs, elle travaille très très bien. Je sais qu'elle nous écoute. On lui fait un gros bisou. Elle n'a pas mis 15 jours sur le diplôme. Hein. Elle fait tellement de choses en même temps. N'importe quoi. Elle fait ça comme ça, elle claque des doigts, bam, le diplôme, il est là. C'est une ouf, Clara. Eh oui. Mais évidemment. Mais j'ai dit ça parce qu'elle peaufine. Elle détaille. Une peaufineuse. Voilà, c'est une artiste. Ah, une vraie. Et ce soir, pour gagner ce diplôme, nous accueillons nos deux nouveaux candidats pour tenter l'examen. Je rappelle, un quiz de questions sur l'émission, sur des sujets de sexe, mais pas que. Également des questions de culture générale, hein, des questions un peu cons aussi, mais il faut savoir, voilà, répondre à toutes les questions de l'examen. Ce soir, nous accueillons Nicolas, 17 ans d'Épinal. Bonsoir Nicolas. Salut toute l'équipe. Bonsoir Nicolas, t'as déjà eu un diplôme dans ta vie, toi? Oui, mon bac, mon brevet. Le bac, mais tout le monde a son bac. Non, non. Oui. Bon, il y en a plein qui l'ont. Et le brevet, pareil. Hein, ce soir, tu vas peut-être avoir ton diplôme. Ouais. Ouais. Ouais. Ça te fait rêver, ça, Nicolas? Hein. Ouais, toujours. Ah oui, toujours. Ce sera quoi, toi, ton buzzer ce soir? Machika. Machika. Ah, faut que tu travailles, par contre. Sinon, on n'entendra pas, Nicolas. Ouais. D'accord? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Alors, Romain, non mais Nico, tu veux jouer ou pas? Oui, bah oui. Ok. Oui. Romain, t'es là? Ouais. Ouais, je suis là. Bonsoir, là Romain. Ça va l'équipe? Tiens. Non, parce que nous, j'aime bien le décalage. Et nous, on est surexcités et tout. C'est l'examen et tout. Et puis on a Nicolas. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Alors, Romain, toi, t'as 15 ans. T'es à Nancy. On sait que c'est dimanche soir, hein, tranquille. Mais Romain, est-ce que tu penses avoir une chance ce soir? Je pense pas. Mais fais-toi confiance, Romain. C'est bon ça. Alors, sera quoi ton buzzer? La chatte. Ouais, trois fois en plus. Très très bon buzzer. Bah ouais. Ce soir, Machika, la chatte, ce sont les deux buzzers. Et ce soir, c'est la ville d'Épinal face à Nancy. Qui va gagner ce soir son examen Love in Fun? Top pour les questions, on y va. Une dizaine de questions, il y en a 10. On y va. Top, c'est parti. À quel âge un Indien a été sacré le père le plus vieux du monde? Trois propositions. Est-ce que c'est à 77 ans, à 90 ans ou à 102 ans? La chatte. 77 ans, c'est une très mauvaise réponse. Nicolas? La deuxième. La deuxième, c'est quoi? C'est 77, 90 ou 102 ans? 90. Bonne réponse de Nicolas. Bravo Nicolas. Ouais. C'est fantastique. J'ai eu le point. Nicolas, si c'est le candidat à la télé, ils le prennent pas. Hein. Tu sais qu'ils passent des castings, les mecs, hein, dans les émissions de Nagui, tout ça. Ils sont obligés de passer des castings. Doc, il le sait, il en a passé des castings. Tout à fait. C'est vrai, on vous dit qu'on prend tout le monde. Mais non, Doc, t'as voulu. Je suis sûr que t'es passé à question pour un champion, toi. Non. T'as fait les amours. Non, je sais plus, je te dirai, je rechercherai, c'est un truc. L'île de la tentation, je te le connais. Il y a deux ans, avec une copine, on a essayé de passer un jeu. Et t'es passé à la télé ou pas? Non, on a pas réussi. Non, mais on a passé le casting. On aurait retrouvé et tout. Ouais, et puis il faut que les mecs ils soient drôles, il faut qu'ils soient machin. Bon, ici, vous venez comme vous êtes, hein, la preuve, Nicolas est avec nous. Ouais, hein, c'est ça. Hein. Bien sûr. on continue. Dans quel océan se baigne-t-on à Osgore? La Tika. Nicolas. L'océan Atlantique. Bravo Nicolas. Et même dans cet état-là, il a 2 points sur 2 quand même. Ouais, et on est sympa. Il n'y a pas de limite de temps. Je vois Kassim qui met toujours son. Il n'y a pas de limite de temps. Après, il y a un blanc à l'antenne quand même. Après, on dort. Non, parce que c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de limite de temps. D'accord, bon, voilà. C'est moi qui dirai quand c'est fini. Okay. Ah, oula, ça peut durer. Troisième question. Parmi ces objets, lequel a déjà été retrouvé dans un cul? Un aspirateur, une fourchette, un clavier d'ordinateur. La chatte. Une fourchette, bonne réponse, bravo. Et on a également retrouvé une salière, un mug, une rallonge électrique, un couteau, c'est horrible, et une ampoule. Et l'ampoule ne fonctionnait plus par contre, hein, bien évidemment. Il y a tellement de choses horribles. Et un hamster aussi. Ouais, c'est vrai. Non, si c'est atroce. Je voulais pas le dire, mais Doc l'a sorti. Et une poupée, pour pas. Une poupée aussi, tu sais, genre des Barbies et tout, là, qui se font des Barbies. Mais c'est vrai que, en fait, il paraît que c'était une histoire avec un espèce de. C'est bête, hein. C'est des gens, bon, je vais l'expliquer quand même. C'est des gens qui avaient fait avec un espèce de tube en plexi ou quoi que ce soit, qui s'étaient mis ça, dans le cul. Et au bout d'un moment, pour le délire, quelqu'un avait fait passer un hamster dans ce tube-là. Sauf que le hamster a été un peu trop loin. Et ce qui pouvait être dangereux, parce qu'il peut ronger l'intérieur de la personne pour sortir. Donc il a voulu le sortir. Et du coup, il a approché un briquet. Oh. Et malheureusement, il y a eu un gaz. Mais. Non, mais c'est vrai. C'est une histoire vraie. Ouais, non, c'est les Américains. Le hamster. Elle est très bonne, putain, mais quelle histoire. C'est horrible. C'est ça, me fait trop de peine pour le hamster. C'est des histoires incroyables, des anecdotes de fou. Horrible. Et on a une pensée pour ce hamster mort dans un cul trop tôt. On continue avec une question soustraction. Combien font 34 moins 12? La chatte, Romain. 12. Mais non, Romain, 14. T'es con ou quoi? Pardon. 14. Ah, mais oui. 34 moins 12, Nicolas. Machika. Oui, 22 quoi. Bah oui, je suis con, 22. Bah oui. Putain, Romain, putain. Qui l'a eu au final? Une soustraction, mon fils. Mon fils de 7 ans, il répond à cette question, Romain. Nicolas. C'est Nicolas qui a le point. Ok. Allez, Romain, t'es dégoûté, hein. Tu t'en veux à toi-même. Hein. Trop de pression, Romain. C'est facile, en plus, bah oui, c'est ça. On continue. Tu as la chance de te rattraper. Parce que moi, j'ai envie que Romain gagne ce soir. Bah, il est pas bien parti, hein. Je sais. Ton petit poulain. Et c'est pas grave, ce sera Nicolas et je serai heureux quand même. Complétez cette expression. Avoir un cœur. La chatte. Oui, vas-y, Romain. C'est de l'âme. Avoir un cœur, quoi? C'est de l'âme? C'est de l'âme. Bah ouais. Bah si, j'ai vu ça. Mais c'est des paroles de ta chanson? Avoir un cœur, c'est de l'âme. C'est une chanson de l'âme? C'est une chanson de. Alors, on fait une recherche. Notre huissier de justice, Maître Pavageau, avoir un cœur, c'est de l'âme. Est-ce qu'on accepte cette réponse? C'est pas dans les expressions françaises courantes et connues de tout le monde. Avoir un cœur, Nicolas? J'ai rien du tout. D'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur de pierre. Avoir un cœur en or. Oui, ouais. Mais oui. Avoir un cœur, c'est de l'âme, ça n'existe absolument pas. Il y a une seule expression où il y a le mot cœur et âme dans la même expression, et c'est l'amour, c'est d'apprendre par cœur le corps et l'âme de quelqu'un. Ah, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Aussi, hein. Voilà. Alors, Romain, ferme bien ta gueule, c'était de la merde. T'as Vous avez été nuls tous les deux là. Nouvelle question les amis, et vous pouvez encore vous rattraper. Oh, là j'ai peur. Qui a inventé l'école? La chatte. Oui, Romain, quand même. On dirait au pif, Jules Ferry. Oh putain. J'ai envie de... Il faut le droit de réponse de Nico. J'ai envie de te dépecer. Nicolas. Nicolas. C'est lui qui l'a répondu, mais c'est Charlemagne. Oui. Voilà, le droit de réponse de Nico. Qui a eu cette idée folle? L'huissier va dire, Jules Ferry, c'est l'école publique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, voilà, donc, c'est vrai. Bon. Ah oui, mais c'est Charlemagne qui a quand même été le premier. J'ai été voir sur Wikipédia. On est à 4 pour Nico et un seul point pour Romain pour l'instant. On se fait plaisir ce soir avec les perles de l'examen. J'ai l'impression, dans l'état... de l'Iowa. Les hommes n'ont pas le droit de boire lorsqu'ils dorment avec une femme. Vrai ou faux? La chatte. Oui, Romain. Vrai. Oui, c'est vrai. Une loi interdit aux hommes de boire plus de 3 gorgées s'ils couchent avec une femme. Encore, toi ce week-end, donc t'aurais pas pu. Hein, parce que t'étais à fond dans les câbles. Hein. Non, mais c'est vrai, tu dans l'as. Tu l'as... Non, dans les caves. Ah, le mec a tourné dans les caves ce week-end en Bourgogne. Non. Vive la Bourgogne. Hein. Non, non, mais voilà. Dans les caves à vin. Les caves à vin, bien sûr. Mais mais c'est vrai. Et tu nous as dit, Doc, dans l'émission, que si on boit trop d'alcool, on est moins performant, on a moins d'érection. Oui, c'est sûr. Voilà. Après 3 verres, en général, l'érection n'est plus là. Donc. Épeler, le verbe appeler. Machika. Ouais, Machika, Nicolas. A-P-P-E-L-E-R. Bravo, il y a eu un doute. Alors celui-là, je peux t'assurer que Cassim, il ne l'avait pas du tout. Hein. Lui, il met 3 P et 2 L. Ouais. Hein. Allez, c'est parti, on continue avec une nouvelle question. Alice est-elle d'origine italienne, brésilienne ou portugaise? La chatte. Oui, vas-y. Italienne, bravo. Comment tu sais ça, toi, Romain? Je la connais, attends. Ah, tu la connais? On se connaît bien avec Rogo. Tu connais son père dans la Calabre? Oula. Ça bug, hein? C'est-à-dire, Romain? Bah, je sais pas, ça bug. Ah, ça bug. Non, mais ouais. tu connais son père qui est en Calabre, qui est resté en Italie? Non. Tu sais que quand Alice est partie de son Italie natale, son père lui a dit « Ma fille, je vais te donner 1 € pour acheter un croissant, mais je suis jamais rentrée. » Elle est jamais rentrée, elle est avec nous tous les soirs. Franchement Alice, on veut pas d'ennuis avec, non, avec la mafia pas. Italienne. Non, je fais en sorte hein, là. Ne faites pas trop de vagues par contre. Il t'appelle une fois par semaine, hein, c'est ça ton exactement. Père en Calabre. Mais il sait déjà tout ce qui se passe, c'est ça qui est bizarre. Je sais, il s'est renseigné sur chacun d'entre nous. Mm-hmm. Je crois que vous avez même une puce. On est géolocalisé. C'est ça. On continue, une dernière question. Petit récap des points juste avant. Alors 5 pour Nico et 3 pour Romain. Voilà, donc c'est on connaît question. Déjà le gagnant. Hein. On connaît déjà le gagnant, mais c'est pas grave. Au Texas, il est interdit de posséder plus de 6 ou de 42 sextoys. Machika. Ouais, vas-y, Romain. Non, c'était Nico. Nico, pardon. 6, c'est une bonne réponse. Bravo, Nicolas. Qui gagne alors ce soir l'examen? C'est Nico. C'est Nicolas. C'est fou, hein. La force tranquille. Les miracles, hein. Contre toute attente, c'est Nicolas qui gagne. Et en même temps, on se souvient de Romain qui ne croyait pas en lui. Voilà. Bah, j'ai raison. Bah non. C'est bon l'avenir. Romain, je suis désolé, tu redoubles, mais tu peux repasser ton examen quand tu veux. Nicolas, tu gagnes ton examen qui sera personnalisé avec nos signatures. Il y aura ton prénom écrit en lettres manuscrites, écrit en lettres d'or. Et oui. Pour toi, bientôt à Épinal. On t'envoie ça là, Nico. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Bravo encore. D'accord, merci à vous l'équipe, vous êtes géniaux. Merci gros Nicolas, bisous. Merci, gros bisous à toi. Dans un instant sur Fun Radio, restez bien avec nous. Louisa va nous rejoindre, elle a 21 ans, elle est grenobloise. Bonsoir Louisa, tu nous appelles pourquoi toi? Bonsoir toute l'équipe. Salut. Je vous appelle parce qu'il y a un soir en fait, je faisais une fellation à mon mec et j'ai vomi. Oh, on en parle dans un instant. C'est un drame ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?

C'est simple, ça va bientôt faire un an que je suis avec mon copain. Et ouais. Ça va faire 2-3 mois que je supporte plus du tout que ce soit l'odeur ou rien que le goût du sperme. Mais c'est plus possible en fait. C'est... Oh. Et alors, c'est venu... il s'est même passé quelque chose, Louisa? Bah oui, je lui ai vomi dessus. Tu lui as vomi dessus, c'est-à-dire... Alors, faut que tu nous racontes un petit peu. C'est-à-dire que tu étais en train de lui faire une petite pipe? C'est ça, et en fait ça avait à peine touché mon palais, mais vraiment juste à peine, et genre je lui ai vomi dessus, et bah du coup derrière il a revomi quoi. Ah oui, non. Oh là, bah, oui, le vomi appelle le vomi. Oh là là, bah ouais, c'est horrible. Sûr. Mais t'as vomi sur lui ou genre sur sa teub carrément? Sur sa teub. Ah ouais, super. Non, ah, mon Dieu. Ça franchement ça arrive une fois, ça n'arrive plus jamais. C'est chaud. T'as un réflexe nauséeux qui a l'air d'être sensible, on dirait en tout ah cas. Ah oui, c'est ça. Ça t'a toujours un peu fait ça ou c'était la première fois? Non, pas du tout. Ça va faire non, même pas. Ça fait juste 2-3 mois que c'est comme ça. Je veux dire, je me dis, mais soit ça vient mon mec ou c'est moi le problème. Alors, quoi, je sais plus, mais... Louisa, parle bien dans le téléphone, parce qu'on a du mal à t'entendre. Oui, du coup, j'ai l'impression que ça vient de moi. Non, reviens où t'es début. Hop. Reviens juste où t'étais là, au début. Au début. Voilà, c'est bien. Alors, tu nous disais, Louisa? Oui, que du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est soit ça vient de moi, soit ça vient de lui. Genre, je supporte vraiment plus rien du tout, en fait. Genre, ça touche à peine mon palais et oh là là, c'est comme une phobie. C'est peut-être une façon de faire. Il suffit de bouger de quelques millimètres ou un angle, etc., pour que ça puisse effectivement toucher l'aluette et faire que le réflexe nauséeux se déclenche. Mais parce que tu disais tout à l'heure, oui, je supporte plus l'odeur du sperme. Mais là, t'en es pas à l'odeur du sperme quand ça t'arrive. Si? Non, du tout, mais je sais pas, en fait, rien que. Quand ça me touche, en fait, le palais, mais je suis pas bien, en fait. Genre, mais je sais que je vais vomir et du coup, j'ai le courage aux toilettes, mais des fois, genre, mais j'ai même pas le temps que. Mais voilà. Ça, c'est parce que tu fais une gorge profonde, mais t'es pas obligé de faire une gorge profonde. Waouh, non, mais. Ouais. Pas forcément, c'est pas. Non, pas. Ah bah si tu fais, si tu touches le réflexe nauséeux, si ça déclenche le réflexe nauséeux, c'est que t'es pas loin de la gorge profonde quand même. Mais elle disait que c'était l'odeur, le goût, c'est peut-être juste ça, tu vois, le côté, l'odeur qui la dérange sans même le contact. Ah bah ça sent la bite, hein. Non mais c'est vrai, la l'odeur bite. Du sperme, elle disait apparemment cette odeur-là. Ouais, sauf que là le mec il a pas éjaculé quand elle a envie de. De quoi? Ça dépend aussi de ce qu'il mange. Je veux dire, il y a des trucs, genre, quand des fois on le fait, je vais pas vomir. Mais après, il y a des odeurs où, genre, quand il mange certains aliments, c'est pas bon du tout, quoi. Ah oui, bien sûr, mais ça, normalement, c'est aussi quand il éjacule, c'est sur le sperme. Mais pour la fellation, non, quand même. Ah oui, parce qu'en fait, Louisa, il y a deux choses. On va essayer de se comprendre. Elle est en train de nous dire, voilà, dès que je mets sa teub dans ma bouche, je lui vomis dessus. Et là, tu nous parles d'une deuxième chose. Tu nous dis, quand il éjacule, son sperme est différent. Et si tu veux, là, on essaie de comprendre, en fait. C'est-à-dire que on s'est arrêté sur le fait que tu le suçais, et dès que tu la mettais dans ta bouche, t'avais envie de vomir, quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment que quand il éjacule, je veux dire quand il est dans ma bouche, ça me fait rien. C'est vraiment quand au moment d'éjaculer, je suis genre. Mais il est pas obligé d'éjaculer dans ta bouche. Non. Ah oui, Louisa, enfin. Mais tu te poses la question de savoir pourquoi avant tu y arrivais, c'est ça, et puis depuis 2-3 mois, tu y arrives plus. Bah c'est l'overdose. Ouais, hein. Voilà, c'est ça, genre. C'est tout. C'est comme une bonne cuite de vodka. Après, tu bois plus de vodka. Hein. C'est pareil. Est-ce que tu faisais ça pour lui faire plaisir de toute façon, même au début de votre relation, ou et donc tu étais un peu forcé et donc là tu y arrives plus, ou non vraiment t'aimais ça, il y avait pas de souci au début. Bah ça m'a jamais dérangé plus que ça en fait, j'ai jamais eu de me... Voilà. C'est pas quelque chose non plus qui me forçait pas, je veux dire c'est moi qui l'ai fait de moi-même, mais ça m'a jamais dérangé moi non plus, c'est pas quelque chose qui me... Alors c'est pas la même chose de dire ça m'a jamais dérangé plus que ça et dire non j'aime ça et je le fais aussi parce que moi j'aime ça, pas seulement pour lui faire plaisir. Oui forcément je le fais pour lui faire plaisir, c'est pas non plus un truc que je ferais très régulièrement quoi. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être que là maintenant t'as non envie et à force de faire plaisir et que toi t'aimes pas complètement ça, maintenant c'est plus fort et du coup t'as plus envie. Ah ouais, et puis surtout, enfin voilà, c'est à chaque fois qu'il le fait. Obligé d'éjaculer quoi. Bah non. Non, il fait pas à chaque fois, mais quand il le fait, je sais que genre je vais pas être bien dans la minute. C'est toi qui maîtrise. Justement, souvent les mecs ont tendance à penser qu'ils dominent la nana quand ils se font tailler une petite pipe. Sauf que c'est tout l'inverse. C'est la nana qui domine le mec. Bah oui. Hein. Ah si. On peut vous casser en un coup de dent. Je vois que Cassim est pas d'accord, mais je t'assure que c'est la meuf qui domine. Toi, t'es comme un con, t'es allongé et tout machin, tu surkiffes. Mais c'est la nana qui décide de mais tout bien dans sûr. Ces cas-là. Ah, mais non, mais moi je lui mets ma bite dans sa bouche. C'est moi avec ma main, tu vois. Ok, d'accord. T'as l'impression de dominer parce que tu mets ta main sur sa tête, tu vois, comme si elle avait besoin de toi pour bouger ou quoi que ce soit. Je prends ma bite entre mes deux mains et je lui mets dans la bouche, tu vois. Mais, là, c'est moi qui fais le geste de lui mettre, du coup c'est moi qui la domine, quoi. Mais non, mais et qui après, en situation bouche, de force, Cassim. Mais si elle voulait pas, elle le ferait pas. Et si elle voulait, elle te couperait la bite aussi, tu absolument. Vois. Absolument, avec ses dents, ouais. Bah oui, avec ses dents, donc elle est en position de force, donc elle te domine. C'est la logique, Cassim. Ta gueule avec ta voix de merde. On te l'a déjà dit de pas parler, Cassim. Tu arrêtes de parler. Et maintenant, j'ai soulevé le fait que Cassim ait une voix de merde. Alors, arrête de parler. Tu ne parles plus, Cassim. Eh, Cassim, t'as une petite voix de merde, alors tu fermes ta gueule. Mais pas du tout. Franchement, tu me gênes. Il a le droit de s'exprimer, Alice. Non, non, mais il parle. Déjà, quand tu rigoles. Vous êtes jaloux, c'est tout. Il parle aussi au nom de certains mecs qui, voilà, enfournent leur teub dans la bouche de la meuf. Putain, ta gueule, Cassim. Mais elle le veut bien. Ah bah oui, et si elle n'était pas là, et bah, tout seul. Bah oui. Hein bah voilà, je t'enfondrais que dalle, mon gars. En tout cas, Louisa, n'oublie pas que rien ne t'oblige à faire une fellation si t'as pas envie de la faire. Encore moins d'avaler, hein. Ça c'est clair, d'avaler le sperme de ton mec. Voilà. Et si tu sens que c'est compliqué de faire une pipe et que ça va provoquer, comme le dit Doc, un réflexe nauséeux. Hein, et ben, tu le fais pas, Louisa. Il faut que ça reste du kiff, l'amour. Oui. Et puis peut-être fais une pause. Pendant un certain temps. Pause pipe. Ouais. Alors, peut-être pas pause pipe, mais pause des jacques. Tu vois, tu lui dis, écoute, là, en ce moment, je sens que j'ai plus trop envie, donc voilà, on verra plus tard. Ah, bien sûr. Ça s'arrête avant. Voilà. Franchement, l'éjaculation dans la bouche, c'est le genre de truc, quand ça arrive, c'est quand même Noël, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Pour vous, quoi. Non, mais pour nous, non, mais c'est vrai. Quand on a ça, putain, c'est peut-être jour de fête. Ça, il faut que tu t'interroges sur ta non-envie ou ta véritable envie de le faire. D'accord, ok. On t'embrasse fort, Louisa. Bisous. Merci. Voilà. Elle a dit merci, je crois. Elle a dit merci. Et voyez, hein, sur Fun Radio, même quand on vous entend pas, on vous comprend. On vous comprend. Ah, c'est beau, hein. On est là tous les soirs, du dimanche au jeudi, 22h minuit, dans un instant sur Fun Radio. On va avoir Jonathan à l'antenne qui nous appelle parce qu'il a des soucis avec son ex. Il aimerait avoir une explication sur leur relation. On va tout vous dire d'ici quelques minutes. On va parler aussi somnambulisme au 01 42 48 5000 avec des témoignages incroyables de somnambules. Restez ici. Moi je suis sur le cul ce qui va se passer là dans un instant. Vous bougez pas. Et on va revenir avec un des plus gros tubes du moment, Loud Luxury Body sur Fun Radio. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Le WhatsApp de Bruno dans la radio, c'est une ligne directe sur laquelle vous pouvez balancer des vidéos, vous pouvez balancer des photos, vous pouvez balancer des messages et dont le numéro de téléphone est... Le 06 44 66 44 07. Et dans les messages de ce matin, on a ça. La tête dans le pâté, pas dormi de la nuit, première rentrée, ça va être dur. Ah, au fait... C'est moi le prof. Bon, le WhatsApp de l'émission. Vous voulez le numéro de téléphone ? On vous le redonne. Pour laisser vos messages sur le WhatsApp de Bruno dans la radio, 06 44 66 44 07. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 euros de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. Love in fun. Love in fun. De 22h à minuit sur Fun Radio. C'est Sound of Legend, All That Sucked Down sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love and Fun. 01 42 48 5000. 22h minuit sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio avec vous tous, vous toutes, pour nous appeler le numéro, le 01 42 48 5000. C'est gratuit. Bien sûr, tu composes le numéro, t'as pas à payer quoi que ce soit. Ça fait partie des communications locales. Et en plus, c'est Doc personnellement qui vous rappelle quand vous passez à l'antenne. C'est son deuxième métier, Doc. Il est médecin et rappeleur, hein, bien évidemment. Ça va, Doc ? Oui, très bien, et toi ? Ah, mais j'aime bien parce que Doc, là, il y a sa chaise, elle est toute petite. Hein ? Du coup, on dirait un petit Doc. Allez, trêve de plaisanterie. On va accueillir Jonathan, il a 28 ans, il nous appelle des Deux-Sèvres, il est à Thouars. Salut Jonathan. Salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Jonathan, sois le bienvenu. Qu'est-ce qui t'amène dans cette émission ce soir ? Une séparation au bout de 10 ans. Eh ben, ça a l'air de te mettre en joie. Du tout. Évidemment, j'imagine que c'est pas facile. Une séparation au bout de 10 ans, hein, donc qu'est-ce que tu veux venir nous raconter ? La séparation, tu veux quoi ? Un peu toute l'histoire en fait. Voilà, c'est une fille que j'ai connue il y a 10 ans en arrière. J'ai fait beaucoup d'erreurs, oui, envers elle. Entre les séparations, rencontrer quelques filles. Hein. Au début août, il y a eu une histoire familiale et suite à ça, elle a mis un terme à notre relation. Voilà. Parce que, soi-disant, elle n'arrive plus à passer au-dessus des histoires d'avant. Des histoires d'avant, d'accord. Et t'as pas le sentiment que justement cette histoire qui n'a au final pas beaucoup fonctionné, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de ruptures, pas mal de on se remet ensemble. T'as pas l'impression que c'est peut-être aussi pour toi à 28 ans d'avoir un nouveau départ et tenter autre chose ? Je l'aime énormément. Ouais, mais c'est pas parce que tu l'aimes énormément que c'est forcément une bonne chose pour toi de continuer avec elle. J'ai pas su exprimer mes sentiments pendant 10 ans et c'est maintenant que je décroche énormément. C'est toujours quand on perd la personne qu'on se rend compte. Tu sais, Jonathan, l'amour, ça ne suffit pas. Hein. C'est un sentiment qui est indispensable et nécessaire, mais pas suffisant, malheureusement, pour qu'une histoire tienne. Il y a plein d'autres choses qui font qu'une histoire peut tenir. Hein. Ça ne suffit pas. Tu t'en es rendu compte toi-même. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ? Tu parlais des erreurs que tu as faites envers elle. Globalement, si tu devais résumer, ça serait quoi ? J'ai pas su exprimer mes sentiments en direct envers elle. Et quand je voulais exprimer mes sentiments, je n'arrivais pas à lui dire clairement. Et tu l'as pas trompé ? Pour elle, je l'ai trompé. Sauf que quand on se séparait, on avait des relations tous les deux encore, et je suis sorti avec sa meilleure amie. Ah ouais ? Ah ouais, non mais attends. Non mais attends. C'est une putain de trahison, ça. Sa meilleure amie, ça se fait pas du tout. En général, elles aiment pas. À qui aime ? C'est sûr. Nous, Jonathan, on n'est pas là pour juger, mais si tu veux, nous, on a un maximum de recul. Et du coup, quand on entend ça, effectivement, on peut se mettre à sa place et se dire, c'est pas terrible, quoi. Bah, ça peut briser vraiment quelque chose pour elle, quoi. Sa meilleure amie, t'aurais pu, choisir quelqu'un d'autre, quoi. Parce que tu t'es quand même retrouvé avec elle, accouché avec elle, tu vois. Bon, après, sa meilleure amie aussi pouvait dire non. Bon. Bien sûr. Aussi. Et je sais pas comment dire. Et là, si tu l'appelles là ce soir, est-ce que tu pourras arriver à lui dire ce que tu ressens ? Oui, comme je fais depuis quelque temps, oui. D'accord, parce que là, elle a décidé de te quitter, c'est définitif, et oui. Tu essayes de la reconquérir et elle veut plus de toi. C'est ça. On l'appelle. C'est ça. On a prévu des vacances ensemble et c'est très distant en ce moment. On l'appelle tout de suite. On va voir ce qu'elle dit. Et tu veux lui parler ou tu veux qu'on lui parle ? Parlez-lui d'abord. Ok. Merci. Pas de problème. Allô ? Bonsoir Caroline et bienvenue sur Fun Radio en direct ce soir. Ça va Caroline ? Oui. Et voilà, je m'appelle Karel. Il y a Doc qui est là, c'est un Salut. Médecin. Il est sexe. Et je te présente Doc, il est médecin. Salut. Voilà. Et Alice. Salut. Est infirmière. Est infirmière. Et Caroline, on t'appelle ce soir parce qu'on a quelque chose à te dire. Mm-hmm. Ah, tu sais pourquoi on t'appelle ? T'as une petite idée ? Ce qui se fait, c'est une mauvaise idée. Ah, bon, bah justement, ça va être intéressant parce que justement, tu vas nous expliquer pourquoi ce serait une mauvaise idée qu'on t'appelle parce qu'on a eu Jonathan au téléphone. C'est dingue, ça c'est pas possible. Si, c'est possible. Jonathan, il est avec nous, il nous a expliqué votre situation, il nous a parlé des hauts et des bas, hein, et en ce moment, c'est plutôt le bas de la relation puisque vous n'êtes plus ensemble. Jonathan. Ah non, c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague, non, je t'assure. Ouais. T'assure. Tu veux qu'on te mette un petit jingle? Non, ça va aller, on va finir la conversation. D'accord. Ça veut dire je vais te raccrocher bientôt la gueule. Dépêche-toi, vite. C'est ça. Dans deux secondes, je raccroche. Bon, attends, juste deux secondes, Caroline. En plus, t'es toute souriante là. Si tu ne veux pas entendre Jonathan, c'est possible. Hein, si tu acceptes de lui parler, c'est aussi possible. Nous, ce qu'on voulait juste savoir, Caroline, c'est comment est-ce que toi, tu sens cette relation avec Jonathan. Est-ce que pour toi, c'est définitivement terminé? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce qu'il y a un stand-by? Parce que Jonathan, il nous a dit qu'il était éperdument fou amoureux de toi et qu'il n'avait pas... Il avait 10 ans pour le montrer. Alors. Il avait 10 ans pour le montrer, c'est ça. Et là, il a l'impression qu'il est passé à côté de toi, quoi. Tu vois, justement, à cause de ces... C'est complètement ça. Mais ça, c'est terrible pour un homme, tu imagines. Bah et alors? Salut. On comprend que c'est terrible, mais on comprend sa réaction. Bien sûr. Elle se dit, bon bah franchement, pendant 10 ans, il s'est pas réveillé, donc c'est normal, là, elle a l'air d'être hyper épanouissant, lui, quand même. C'est complètement ça. J'ai pas envie de passer sur les détails, je sais pas pourquoi il fait ça, mais... Il fait ça parce qu'il est embêté, en fait. Tu sais, il trouve plus de moyens, il sait plus comment te le dire, il sait pas quoi faire, il est complètement embêté, c'est pour ça qu'il nous appelle. Il vient de se réveiller, quoi. Voilà. Peut-être un peu trop tard, mais il vient de se réveiller. Oui, au bout de 2 ans, ouais, c'est un peu trop tard, ouais. Parce que toi, tu en es où? Moi, j'en suis où? Moi, j'en suis où j'en ai marre de me faire prendre pour une conne et de qu'on me parle mal, sans respect, tout le bordel, quoi. D'accord. Et t'as rencontré quelqu'un depuis? Parce que j'ai été grosse et bouffie pendant 10 ans, donc j'ai envie de passer au-delà. Ok. Hein, tu veux dire que il te rabaissait beaucoup? Trop même. Trop. Et toi, ça a été une accumulation et au bout d'un moment, tu t'es dit, j'ai envie de vivre ma vie et peut-être essayer d'être un petit peu plus heureuse. Ah ben oui, l'accumulation de rabaissement, l'accumulation de tromperies, de mensonges. Il t'a trompé une fois, il nous a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est pas le cas? Ah ben, il a complimenté beaucoup d'autres femmes, quoi. Complimenter, ça veut pas dire coucher avec d'autres filles. Ben écoute, quand tu dis que tu es très appétissante, ouais, non, c'est ça, sûr, t'a pas plu, quoi. Il l'a pas couché avec, je te l'accorde, mais il l'a trouvé très appétissante. D'accord, ok. Que moi j'étais bouffie. D'accord, ok. Et toi, tu as refait ta vie là déjà? Moi, j'essaye d'avancer. D'accord, ok. Ouais. Tu veux pas lui parler? Non. Non, parce que il faut savoir que j'ai des messages toute la journée, du matin, de 7h30 jusqu'à tant qu'il aille se coucher. Et si je ne réponds pas par message, il les envoie sur Messenger. D'accord. Et vos vacances, vous avez prévu de partir en vacances ensemble ou pas? Bah apparemment, ouais, mais j'ai plus envie. Ah oui, parce que tu avais quand même prévu de partir avec lui. Oui, mais il me harcèle trop. D'accord. Eh ben, Caroline, on te remercie beaucoup pour nous avoir répondu en tout cas et avoir répondu à toutes les questions. Avec plaisir. Et en tout cas, ça semblerait important que tu le fasses, de mettre les choses très au clair et que ce soit très carré et que comme ça, il arrêterait. Merci beaucoup, Caroline. Mais avec plaisir. Salut, Caroline. Salut, bonne soirée. Voilà, le sourire de Caroline et j'imagine la déception de Jonathan. Bon, Jonathan, on a discuté un petit peu avec elle. Hein, on s'est mis ni d'un côté ni de l'autre. Hein, on essaye toujours d'être neutre. Il semble que Caroline, il va falloir faire une croix dessus, mais définitivement, quoi. Ouais, mais jusqu'il y a encore même pas une heure, les vacances étaient toujours OK, quoi. Ouais, non, mais... Tu comprends bien, Jonathan, que ça va toujours se passer comme ça maintenant. Et qu'à un moment donné, tu sais, il faut ici, faut peut-être aussi imaginer que toi aussi tu peux être heureux dans ta vie et être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, tu vois. Et avec qui tu peux être épanoui et vivre une vraie relation. Je crois qu'il faut arrêter de s'accrocher à des relations qui fonctionnent pas, où il y a eu trop d'erreurs. Et il faut pas s'en vouloir. C'est la vie qui est comme ça, quoi. Recoller des morceaux, ça n'est toujours que recoller des morceaux. Tout ce que tu as appris là, tout ce que tu as vécu et qui est pas obligatoirement positif dans un sens, mais dont tu as appris quelque chose, tu vas pouvoir effectivement le vivre avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de nouveau, qui partira avec au moins aucun passif. Il n'y a pas de bilan négatif de derrière vous. Donc ça ne peut être que mieux avec la prochaine. C'est ça. Voilà. Non, mais bon, je reste un peu dénu sur certaines choses, mais bon, c'est pas grave. Oui, il faut savoir faire avancer et puis c'est tout. Donc, bah, bon, c'est clair. Il n'y a pas de vacances avec elle. Et Jonathan, on peut pas, en fait, si tu veux, on n'est pas magicien non plus. Non, mais après, au moins, elle a pas su me le dire. Elle essaye de m'appeler là. C'est bizarre. Hein. Elle a dit qu'elle allait clarifier quelque chose. Oui, elle veut te le dire en face à face. À mon avis, elle voulait partir en vacances avec toi, mais pas pour les bonnes raisons, pas pour ce que toi tu attends. Tu vois, c'était pas pour que recoller les morceaux ou quoi que ce soit, mais juste par respect, pour essayer de faire en sorte que la relation soit un peu plus sereine entre vous deux. Mais quand elle voit que toi t'attends plus, elle est passée à autre chose. Et franchement, heureusement pour elle, parce que si vraiment la relation elle a été comme ça pendant 10 ans, c'est normal qu'elle ait pas attendu que tu te réveilles, tu vois. Et toi maintenant d'avoir envie d'être avec elle parce que tu l'as plus, c'est aussi un peu facile. Réussis aussi à mieux quantifier tes sentiments. Si tu l'avais, ça se trouve tu n'en voudrais pas. Donc essaye de penser à autre chose et d'aller plus loin de ça. Arrête de culpabiliser. Maintenant c'est fait quoi. C'est dur. On te souhaite vraiment beaucoup de courage, Jonathan. Et d'avoir une vraie discussion avec Caroline. À bientôt, Jonathan. Salut. Merci. Bonne soirée. Bisous, l'équipe. 01 42 48 5000. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Et à la demande générale, ce soir, on va se refaire un petit zap de coco. Le zap du dimanche, la rediff ce soir. Zap du jeudi soir, hein, bien sûr, hein, avec le zap de coco dans un instant. Pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. Et là, maintenant, on va s'écouter Loud Luxury avec Body. Je vois les étoiles dans les yeux de coco. Il est content qu'on repasse son petit zap. Hein. Ah bah voilà, ça va te donner de l'occasion de le réécouter, de t'améliorer. Voici Loud Luxury sur Fun. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking down. You wanna ride in the six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Grinding on my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Grinding on my innocence, yeah, on my. Incidental. My bad, never got the memo. That you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six. You wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Grinding on my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Grinding on my innocence, yeah, body on my. génial ce son, je l'adore. Love Luxury avec Body dans Love in Fun. Le zap de Coco. Sur Fun Radio. Merci d'être avec nous sur Fun Radio. Oui, ça y est, vous l'attendiez. Ou pas, hein. Ah, moi, oui, je l'attendais. Ah, ah, vous allez le découvrir, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore entendu. C'est une fois par semaine. Et c'est vrai que c'est tellement cool qu'on le rediffuse le dimanche soir, parce que le dimanche, c'est la soirée du kiff. On a dit stop à la déprime du dimanche soir. Hein, je le rappelle, au blues. Oui. Du dimanche soir. Et soyez avec nous, hein. C'est des émissions spéciales stop au blues du dimanche soir. Ça donne envie. C'est clair. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. C'est parti pour un nouveau zap. Coco, que s'est-il passé pendant cette semaine? Alors, que s'est-il passé? Déjà, je commence comme ça. Je l'ai dit un petit peu à Alice juste avant de commencer. Tout le monde prend cher. Tout le monde prend une cartouche ce soir. Donc, première cartouche, elle est pour l'auditeur. Je suis désolé, les auditeurs, mais c'est vous qui en prenez une dès le début. Tous les soirs dans Love in Fun, ils peuvent passer leur examen. Vous passez votre examen. Et chaque semaine, alors, je sais pas si vous le faites exprès en vous disant, il y a le zap de Coco jeudi soir. On va lui filer un petit peu de biscuit pour sa chronique. Mais vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Ça, c'est l'épargne de l'examen. Qu'est-ce que le missionnaire? J'ai entendu, c'est qui le patron? Sofiane. C'est lui qui fait des missions. Celui qui fait des missions. Combien font 5 plus 5 plus 12? BZH. BZH, Jérémy. 24. 22. Nicolas. Il vient de te donner la réponse. C'est pas vrai. Oh, Jérémy, putain, j'ai envie de te claquer la gueule. Ah, c'était en toute amitié, bien sûr. Oui, mais bien sûr. On au camp. Tu me le dis 15 fois par jour, mais tout va bien. Oh non. Surtout en ce moment. Non, c'est pas vrai. C'est en tout amour en plus. Alice, t'as prévu des vacances pour cet été ou pas? Bah écoute, je sais pas encore pourquoi. Écoute, j'espère en tout cas que tu pensais pas passer tes vacances sur l'île de beauté cet été, parce que les Corses, en tout cas, ils ont une petite dent contre toi. C'est comme on disait, dans ces cas-là, les gens qui sont en Corse, ils parlent le corse. Bah non, ils parlent le français, messieurs. Et voilà. Faut qu'on leur demande. Et voilà. Alors, Alice, tu risques d'avoir des petits problèmes. Je rappelle que s'attaquer à la Corse. Ah, mais je m'attaque pas à la Corse. S'attaquer à un autre pays. Qu'un Corse vienne me dire qu'il parle pas le français. Non mais bien sûr, alors ça n'hésitez pas à venir nous appeler, nos chers amis corses, 01 42 48 5000. Et bah c'est cool parce qu'ils ont répondu à l'appel. Ah. Et un corse nous a laissé un message. Ah. Oh Alice, tu vas voir, on va te sortir de Fun Radio, on va te trouver à Neuilly. Et après, on va te plastifier la gueule, toi et ta merde. Tu vas voir comment tu vas être accueilli en Corse. T'as pas intérêt de poser un pied, je te le dis. Est-ce qu'on peut savoir qui est cette personne qui fait un accent corse? Je suis pris de court, je ne vois pas. Ce qui est marrant, c'est que j'ai compris tout ce qu'il a dit et je ne parle que le français. Donc il a l'air de parler français, ce corse. J'espère qu'il nous écoute, ce Thomas. Ne t'inquiète pas, Alice. Moi, de toute façon, j'ai arrangé les angles. Et puis, je lui ai dit de toute manière que t'avais horreur des marques de bronzage et que tu faisais du topless. Bon, ben, dit comme ça, écoute, on va s'arranger, hein. C'est comme on fait un peu chez nous, hein. T'as l'habitude, hein, mafiosa et compagnie. Donc, moi j'ai une villa en Corse. Alors, moi je te propose de faire ça. Petit jacuzzi, topless, tu te bronzes comme tu veux, et après on s'arrange, hein. Allez, je t'embrasse, hein. Bah, j'y vais. Alice Fun Radio pour toutes les offres, hein, en Corse, hein. Bien sûr. Karel le sportif. Ça sonne faux quand même, non, hein? Oh, t'es dur. Non, Karel le sportif, non, ça sonne bien quand même. Mais attends, c'est pas parce que j'ai pratiqué le sport à haut niveau pendant quelques années quand même. Ouais, bah, t'as joué avec Mbappé, toi, ça se voit. J'ai fait 1m80, j'arrivais à dunker. Bon, en tout cas, je sais même pas pourquoi je te pose cette question, parce que même les auditeurs le remarquent, c'est ouf, hein. Ah ouais, ouais. Quand tu fais de la muscu, t'augmentes ton taux de testostérone. Tout à fait. D'accord. C'est vrai qu'Arrête, j'ai vu que t'étais musclé, hein, sur Facebook Live. Hein. Ouais, merci Johan, merci beaucoup. Bon, allez, je vais passer le fait que tu te fous de ma gueule, hein. Mais tu sais quoi, je prends le. De quoi? Ah, vas-y, continue ta phrase parce que là j'ai l'impression de vivre un rêve. Non, j'ai dit que tu en imposes physiquement. Bah merci Johan, je suis content pour une fois que quelqu'un s'en rend compte. C'est énorme parce que même quand on te fait un compliment, tout le monde pense que le mec se fout de ta gueule. Alice a tout résumé, hein, en une phrase. Donc sérieusement, entre nous, t'as pas un pote ophtalmo? Parce qu'on va en parler à Johan, hein, parce que je sais pas ce qu'il voit sur le Facebook Live. Hein. Clara, arrête de tricher avec les images. Quel enculé. Ok, Coco. Non, okay. Sérieusement, Karel, ça se sent que t'es un sportif dans l'âme. Ah, merci. Ça se voit. On se reconnaît en tant que sportif. Et je pense que t'aurais été un super commentateur sportif. Hier soir, tu t'es rappelé ton premier amour pour le ballon rond. C'était quand Steven dit Montolino te racontait l'origine de son surnom. Ventolino, ah, c'est génial. Et Ventolino est le goal. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quand Adrien nous racontait, bon ça c'est plus délicat, hein, la fois où son père est en train de se pignoler devant le cyclisme, là c'est ton amour pour la pédale qui a parlé. Et toi t'as fait un lien avec le cyclisme qu'il n'y a pas. Le maillot à poids est quand même vachement excitant. Arrêtez. Si ça peut te rassurer, c'est pas pour ça qu'il prend pas maman en levrette quand même, hein, t'inquiète pas. Bien sûr, avec un maillot jaune, hein, parce que c'est le champion, hein, c'est un artiste. Petite info insolite. Ça c'est une vraie info en plus, c'est pas une vanne, je vous jure, c'est pas des conneries. Karel est ultra musclé des mollets. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne. Alors, si vous êtes une femme et que vous aimez les mollets de corpulence, c'est ce qu'on appelle être molléophile peut-être. Eh ben appelez-nous, 01 42 48 5000, il y aura un speed dating à la fin de l'émission. Karel adore rester après minuit. Oui, bien sûr. Les auditeurs en ce moment, ils ont pas trop d'humour, je trouve. Bon, je dis pas ça méchamment, vous êtes tous drôles, hein, mais il y en a qui sont susceptibles. Bah, les deux sont intéressantes. Alors là, tu prends le risque qu'on te dise qu'il n'y en avait qu'une seule intéressante. Ou les deux, c'est peut-être de la merde. Hein. Ah, ça, c'est le verre à moitié vide, Alice, si je peux me permettre. Arrêtez, hein. Complètement vide. C'est complètement vide. Là, il n'y a plus rien à voir. Bon, allez, c'est bon. Il n'y a pas d'histoire, du coup. Susceptible, ouais, tu sais. Vous avez gagné. Adilane, il est vexé. Oui. Raconte-nous, bon, Dylan. Finalement, je ne raconte plus. Hein. Le mec a pris la mouche direct. Direct. Ouais. Oh, ok, j'adore quand on réécoute des fois. Ouais, ça fait bizarre, mais ouais. C'est marrant. Et moi, quand je me tape les deux heures d'émission tous les après-midi, c'est chelou aussi des fois. J'ai une question toute bête pour l'équipe, tout le monde a le droit de répondre, même Méloche. Ils sont su. Non, avec ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est ma phrase d'au-dessus. Pourquoi, une simple phrase, pourquoi vous aimez Love in Fun? Doc, pourquoi tu aimes Love in Fun? Parce qu'on travaille en rigolant. Ok, Karel? Moi, j'aime Love in Fun parce que ça me permet d'acheter des jeux vidéo. Ouais, voilà. Moi, j'adore parler de cul sans filtre. Ok, ça c'est pas mal. Kassim ? Parce qu'on s'amuse bien. Oh, oui ? Méloche ? Pour le rire de Karel. Oh, ça c'est sensuel. Ah, bah, moi, j'en attendais pas autant de vous. Mais Gabin, lui, en tout cas, il a donné son ressenti sur l'émission et il a fait simple. Qu'est-ce que t'as aimé dans cette émission quand tu l'as entendu la première fois ? Le cul. Le cul. Moi, c'est clair. Le cul. Le cul, c'est clair. Ah, c'est bon ça. Et on se livre dans Love in Fun, c'est vrai? Ouais, on c'est en apprend vrai. Plein sur les animateurs et notamment sur toi, Karel. Hein, Karel? Ouais, bien sûr, quoi. J'étais sur une aire d'autoroute à Elfignac. Et en fait, on s'amusait, voilà, on était en train de discuter tranquille. Et puis, à un moment donné, on voit des appels de phare. Donc, moi, dans la déconne et tout, je fais un petit appel de phare. Puis le mec me répond avec un petit appel de phare. Et là, je réponds avec un petit appel de phare. Et je ne savais pas que c'était le code de l'aire d'Ifignac, justement, pour se dire, c'est bon, tu peux venir dans ma voiture pour venir me pénétrer. Hein, puisque c'était une aire d'autoroute, on pouvait se rencontrer et s'échanger. Donc là, je vois un mec qui débarque et qui voulait rentrer dans ma voiture pour m'enculer. Voilà. J'ai dit, je suis déjà avec mon pote, hein, on fait rien, hein, mais n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, mais on s'en est sorti comme ça. Et Karel, regarde. Ouais. Je te fais des appels de phare. C'est pas très radiophonique. Ah, je ne te répondrai pas. Bon, ça, tout ça, c'était pas très radiophonique parce que je faisais des flashs avec mon téléphone. Bon, je vous laisse. Hein. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau. C'est fini. Ouais, c'est fini. Attends, t'as mal fait la fin là. Non, je la refais. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Zap de Coco. Et sinon, à dimanche. Mais en même temps, vous avez un petit peu niqué au début du Zap, vous avez un petit peu niqué ma fin. Parce que oui, j'allais en parler ce dimanche, mais du moins dimanche dernier, vous avez déliré avec ça. Moi, je dis stop au blues du dimanche. Donc moi, je suis allé voir Monsieur Sopin, celui qui fait les sons, ouais. Et j'ai refait un nouveau jingle qu'on utilisera dimanche. Ok. Loving Fun. Stop au blues du dimanche avec Karel, Alice et Doc Pavageot dans Loving Fun. 22h minuit sur Fun Radio. Ah bien sûr, stop au blues du dimanche. Bonsoir à tous, bienvenue. On est dimanche soir, on est en direct. Merci Coco. Merci. De rien, plaisir. Merci, Coco. Merci, à la semaine Coco. Prochaine. On appelle ton père ou pas ce soir? Ah bah oui. Bah, vous pouvez l'appeler, ouais. On a un petit débrief de Coco, c'est du papa de Coco. De Clo-Clo. Qui s'appelle Claude et qu'on appelle Clo-Clo. Le débrief de Clo-Clo. Le débrief de Clo-Clo du Zap de Coco. S'il répond pas, j'ai mis le fixe. Ma mère, elle va s'inquiéter de ouf. Oui, bonsoir. Bonsoir Clo-Clo. Bonsoir, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, Clo-Clo, on est content de t'avoir au téléphone, c'est Karel, oui, tu l'as compris, on est en direct sur Fun Radio. Est-ce que t'as écouté ton fils ce soir, Clo-Clo? J'ai écouté, j'ai trouvé ça pas trop mal ce soir. Il a osé t'attaquer à Karel, mais qui aime bien Chatillien. Eh ouais, tu te rends compte, hein? Il a attaqué le grand maître. Ah ouais, et ça, t'es fier de ton fils ce soir, Clo-Clo? Ah oui, très fier. Puis sa maman, elle a dit, de toute façon, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Oui, mais c'est normal, c'est sa mère. Alors, c'est normal. Pour la première fois à la radio, et c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit, c'est le papa de Coco qui va décider si son fils revient la semaine prochaine pour faire un nouveau zap de Coco. Clo-Clo, est-ce que tu autorises, est-ce que tu donnes l'autorisation à ton fils de faire le zap de Coco la semaine prochaine? Avec un grand oui. Il a dit oui. Tu sens le mec qui regarde The Voice avec ma mère, tu sais. Il a dit oui. Bravo, Clo-Clo, merci beaucoup. Hein. De rien, bonne soirée. On t'a pas dérangé, t'étais peut-être avec madame ce soir Ah oui, je suis avec madame, mais la semaine prochaine, le zap, un tout petit peu plus tôt, s'il vous plaît. On te rappelle la semaine prochaine, d'accord. Clo-Clo. Très bien, on le fera plus tôt. C'est le papa de Coco qui va décider de à quelle heure on fait quoi. Ah, c'est ça qui est bon. À bientôt, Clo-Clo, voilà. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Mes amitiés à madame, Clo-Clo. Merci. Le zap de Coco, tous les jeudis soirs et le dimanche soir, on se refait le petit zap là, à la cool. J'espère que tout va bien. Vous passez une bonne soirée tout à l'heure à minuit. Party Fun Deep avec Mikosé, vous bougez pas. Et on va accueillir Flo, il a 20 ans et il nous appelle de la capitale, Paris. Bonsoir Flo. Ouais, salut l'équipe, ça va? Salut. Salut Flo, tu nous appelles pourquoi? Alors je vais pas y aller par quatre chemins, il me faut des conseils pour être le meilleur dans une partout. Ah. Ouh là là. Bah alors là, franchement tu tapes à la bonne porte. On a Partouzman qui est là dans les studios. Je ne dirai pas qui c'est. Et vous le saurez dans un instant avec Martin Garrix et High on Life. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Votez maintenant pour vos DJ préférés. Fun Radio DJ Awards is amazing. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir les catégories, les DJ et voter pour les soutenir. Hey everybody, this is Armin van Buuren. Salut, c'est DJ Snake, c'est Koons. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Votez pour moi. Please vote for me. Votez pour vos DJ préférés, funradio.fr. Fin des votes, le mardi 16 octobre. Fun Radio DJ Awards. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui, et en plus je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans. Et profitez de 50 euros de remise supplémentaire pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. We'll be right back. et du fun. Love it fun. Sur Fun Radio. Depuis 22h, nous sommes là en direct sur Fun Radio dans toute la France, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. J'ai une pensée pour eux, tous ceux qui terminent leur dimanche soir là tranquille sur Call of Duty Black Ops 4. Oui, comme moi, vous avez peut-être passé le week-end là-dessus, hein, et vous avez peut-être passé la nuit là-dessus. Bon courage pour vous réveiller demain matin. Il y en a aussi qui sont au boulot, il y en a qui sont à la cool, et il y en a qui sont dans les studios de Fun Radio. Ils sont nombreux. Je vois Kassim, je vois Ali, je vois Doc, oui. Je m'appelle Karel, il y a Coco, Méloche, au standard qui décroche toute la soirée, et vous êtes très nombreux à avoir commenté la photo sur l'Instagram de Fun Radio, petite photo de toute l'équipe qu'on vous a postée. On vous a posé cette question, dites-nous comment s'est passé votre week-end en un smiley. Il y a eu beaucoup de smiley, Alice. Ouais, hein. Carrément, il y en a qui ont fait des mariages, il y en a qui se sont bourrés la gueule, il y en a qui ont geeké comme toi à Call of, il y en a que c'était, pour qui c'était des week-ends plutôt boulot, et il y a quand même pas mal de bouteilles de champagne et de petits chin-chin avec des bières, hein, tu vois, donc ça a quand même bien fêté ce week-end. Et nous, on aime bien savoir ce que vous faites de vos week-ends, donc n'hésitez pas, décrivez votre week-end en un seul emoji dans les commentaires de la dernière publication Instagram de Fun Radio. En plus, tirage au sort au fil du cadeau, donc Ah bah oui, allez-y, on vous régale. Faites-vous plaisir, on vous rince tous les soirs sur Fun Radio, et on va accueillir Flo, 20 ans de Paris, avec Renaud, notre auditeur du soir, qui va nous aider, bien évidemment. Renaud, t'es là, Renaud? Je suis là, je suis toujours là, Karel. Bon, alors on va voir comment est-ce que toi, voilà, si t'étais animateur dans Love in Fun, tu pourrais gérer Flo, hein, qui nous appelle. Donc je vais te le passer. Dis bonsoir Flo et puis c'est parti. On accueille okay, Flo tout de suite. Salut Flo. Salut Renaud. Ça va Flo? Ouais, ça va et toi? Ouais, impeccable, merci. T'es de où? Tu nous appelles de où ce soir? Ah, de Paris, la capitale. Ah, Paris, ouais. Super, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Super. Bon, tu veux nous parler de quoi ce soir? De partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, et alors? Donc, je vais vous raconter l'histoire. En gros, ouais, on t'écoute. J'ai une pote du lycée, donc ça fait il y a 3 ans qu'on ne s'est pas vu. On avait couché ensemble 2-3 fois et franchement, c'était vachement bien. On s'est perdu de vue parce qu'après le lycée, on est chacun parti de notre côté. Et là, ça fait une semaine, elle m'a recontacté par Facebook, elle m'a parlé un peu. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait moyen, qu'il y avait peut-être envie qu'on recouche ensemble parce qu'elle me demande si j'ai une copine, on parle un peu de cul. Et là, hier soir, elle m'a proposé, cash, de faire une partout avec elle et ses potes. Donc moi, j'ai jamais fait ça, mais je veux pas mourir con, donc j'ai dit oui direct. Mais après, elle m'a dit qu'elle avait des potes bi, j'ai pas envie, par exemple, je sais pas quoi faire, c'est un de ses potes, un mec qui commence à me toucher la bite, comment je réagis, je mets une claque, je sais pas. Et du coup, si vous aviez des conseils pour gérer tout ça, et puis pour être le meilleur dans la partouf, quoi. Qu'ils se souviennent de moi. Eh ben... Écoute, fonce, hein. Il faut profiter. Ah bah voilà Renaud. Ça c'est les conseils de Renaud. Allez fonce mon gars. Bien Bilout, vas-y. Allez Bilout. J'ai combien? Alors Flo, on a tous entendu. Alors moi perso, Flo, j'y serais pas allé, hein, même s'il faut pas mourir con, parce que effectivement, je pense que tu vas te retrouver avec les couilles qui vont taper les couilles. Mais pas forcément. Ah bah attends. Mais pas du tout. C'est une partouze avec que des mecs et une nana, c'est ça? On appelle ça un gangbang. Hein. Mais non, mais non, il y a pas mal pas de filles. Forcément, ça dépend des positions. Bah voilà, il y a pas mal de filles aussi. Alors certes, il y a des personnes bi sur place, et alors c'est pas pour ça qu'il va forcément se passer des choses. Et voilà. Puis si quelqu'un commence à te toucher, tu peux très bien gentiment lui faire comprendre que toi t'es pas intéressé et que t'es plus avec des filles, tu vois. Voilà, il s'agit juste d'être cool, hein. C'est évident que s'il y a des mecs bi, ils vont peut-être s'approcher de toi. Ils sont là pour ça. Ils peuvent pas savoir quelle est ta sexualité à toi, donc ils vont s'approcher. Mais juste, tu repousses la main, tu dis, écoute, non. Bon, voilà, il s'agit d'être respectueux, comme ils doivent l'être aussi. Et tu fous un sparadrap sur ton anus. Tu fais genre, entrée interdite. Alors parfois il y a des codes dans ce genre de truc là. Dis donc Doc, t'as l'air bien au courant. Oui, c'est quoi ces codes? Je te rappelle que je suis sexologue et j'en entends beaucoup. Ouais, t'en entends. Ah bah oui. Laissez parler Doc. Flo, écoute bien ce que va te dire Doc. Parfois il y a des codes dans ce genre de soirée là, mais le code doit être connu. Dress code, tu dois porter ça pour dire que t'es ceci ou t'es cela. Ah ouais. Ouais. Là, genre, des codes couleurs ou des codes chaussettes si tu viens en tutu, ou des codes c'est que tu voilà. Mais non, c'est souvent des couleurs comme les soirées, tu sais, où t'as des couleurs rouge pour les personnes en couple, vert pour les célibataires. D'accord. Machin, il y a des trucs comme ça. Ah ouais. Donc il y a pas, et t'as pas prévenu de quelque chose comme ça? Non, bah déjà, bah, je note, je vais lui demander, hein, ouais. Ouais, bien sûr, Flo. Mais alors, cette fille qui revient vers toi, qui te propose une partouze, avec... C'est louche? Ouais, c'est bizarre, ça, non? Ouais, bah, je sais pas, moi, du souvenir que j'en ai, c'était vraiment bien, c'était sans ambiguïté, quand on avait couché ensemble, c'était vraiment que du cul, il n'y avait pas de... D'accord. Il y avait rien d'autre, et c'était en bon terme à la fin, quoi. Pourquoi pas? Après, faut pas te dire, moi, je vais être le meilleur dans la partouze, quoi. Tu vois? Ça sert à rien de commencer à partir comme ça. C'est comme si c'était une performance, le truc. Fais-toi kiffer, quoi. Bah ouais, laisse-toi aller, quoi. Si tu vas vraiment pour vivre cette expérience, vis-le, bah, justement, comme une expérience, et tu te laisses un peu guider par le truc, mais tout en sachant déjà, bah, tu sais déjà ce que tu veux pas à cette soirée. Donc, sois clair, et avec cette copine en question, parce que tu vas quand même aussi pour elle. C'est avec elle que tu vas avoir un rapport, même s'il y aura d'autres gens autour. Ouais, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, bah voilà. De base, c'est ça. Donc ce sera cool, il n'y a pas de raison. Et puis tu nous raconteras, parce que moi je veux trop savoir ce qui s'est passé. Écoute, je suis en début de semaine, là, mardi. Te mets pas la pression, parce que c'est le meilleur moyen que ça ne fonctionne pas. Si tu dis, ouais, il faut que ça marche, il faut que je sois le meilleur, etc., c'est le meilleur moyen que ça fonctionne pas. Bandé. Donc, si, voilà, que tu bandes pas. Donc vas-y, cool. Voilà, tu vas voir ce qui se passe. Tu y vas pour elle. Le but, c'est elle. Voilà, le reste. Ouais. Tu verras bien. C'est du plus. Si un mec veut te mettre un dos dans le cul, tu dis non merci. Ah, tu vois, tu vas gentil. Voilà, et pas d'agressivité. Commence pas à te claquer. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, tu kiffes, quoi. Alors, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui auraient déjà fait une partouze. Alors, j'ai dit qu'il y en avait un dans l'émission. Bon, effectivement, c'est Kassim. Moi, je sais déjà qu'il a participé à des parties fines entre amis. Hein. Ah oui. D'ailleurs, je n'ai jamais été invité. Hein, faut le dire également. Tu viendras. Non, moi ça m'intéresse pas. Bah oui. Non, c'est sympa. Non, j'aime pas ça. Non, mais ce qui est marrant, c'est quand ton pote est en train de baiser une meuf, t'arrives derrière lui et tu lui titilles les couilles. Oh non. Mais c'est pour ça que je veux pas y aller. Là, tu veux me toucher les couilles. Moi, je vais pas. Moi, c'est partouze. Bah, c'est super drôle. Hein. Non, et c'est quand la dernière fois que t'en as fait une? Ouais, non, ça remonte un peu. C'était il y a un an et demi, deux ans. Ouais. Ouais, donc ça date un peu. C'était une bonne expérience. Il y avait beaucoup de mecs ou pas? Bah non, en fait, on était, il y avait quatre meufs et on était deux mecs. D'accord, ah ouais. Et du coup, moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que t'avais, par exemple, deux meufs qui étaient allongées sur le dos, sur le lit. Et du coup, tu rentrais dans une, après, tu sortais, tu allais dans l'autre, et tu t'inversais comme Mais ça. Mais le tout avec un préservatif, j'espère. Mais évidemment. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, oui. Ne les oublie pas, surtout les préservatifs. Bah ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr, ouais. Faut que tu te protèges, hein. Bien sûr. Oh, mais même pas que les préservatifs. Imagine, Kassim, il vivait cette même situation, sauf qu'il y en avait une qui était à quatre pattes et en mode sodomie, et l'autre en mode fellation. Tu rentres dans l'une, tu rentres dans l'autre. C'est horrible, hein, quand même. Ah bah, faut pas avoir peur du caca. C'est porte ouverte. Non, mais c'est vrai. Fais attention, hein. Ah bah oui, non, mais voilà. Ah bah normalement quand tu sors de l'une, voilà, il y a un préservatif, tu l'enlèves et tu remets un autre préservatif. Ah mais dans le feu de l'action, ils ont l'air de faire non, ça comme non, surtout pas ça. C'est le meilleur moyen pour attraper des maladies là. Ouais, carrément. Non, on garde sa capote jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Hein? On en met une neuve. Ah oh, bah oui, on passe pas d'un cul à une bouche comme voilà, ça. C'est ça. Attends. Enfin, un peu d'essence, bien sûr. À chaque changement de partenaire, on change de capote. D'accord, Flo? C'est les conseils. Ah oui, du coup, faut que je prenne un stock, ok. Ah oui. Bah, bien sûr. Ok. Bien sûr. On sera sur place. Bon, oui, au cas où. Il y a intérêt. Ouais, ok. Et puis on va t'en envoyer, nous, carrément. Ouais. C'est ça, là, tu vas y aller. Hein. Et tu raccroches pas, on s'occupe de toi. D'accord, Flo? Ça marche. On se fait une petite question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Ah, c'est sinon le connaît, Doc, il va nous faire la gueule. Bah, hein, c'est clair. J'ai pas eu ma question à la con. C'était parti pour là. Ah, et tout va bien, Doc, il est avec nous. Il s'appelle Damien, il a 26 ans, il est d'Arles. Bonsoir, Damien. Et bonsoir, l'équipe. Allez. Salut. Damien, tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis conducteur routier. Allez, coup de klaxon là avant de commencer. Allez. Ah, dis donc, tu m'as pas dit que t'étais conducteur routier, on dirait que t'es dans une Twingo, là. Ah, parce qu'attends, il est bien isolé pour bien commenter nos téléphones. Ah. Si nous ouvrons la vitre, je klaxonne. Combien de tonnes? 44. Okay. Oh là là, un beau bébé. Maximum, ah, voilà, un 44 tonnes comme il se respecte, avec une petite question à la con. Damien, on aime les routiers, on attend ta question. Alors, l'expression « je prends mes jambes à mon cou », vous la connaissez? Oui. Mais dans l'histoire, il est où mon sexe? Ah bah, il est sur ton... Il est au milieu. Bah, ouvre la bouche et tu sauras. Hein, mon Damien? Bah, il est à la place. Ça change rien. C'est par exemple, t'as quelqu'un qui met ses jambes derrière ses épaules. Le sexe, de toute façon, il sera au même endroit. Enfin, voilà, je sais qu'il n'y avait pas de réponse et que c'était de la merde, mais ça me paraît logique. Enfin, bon. Regarde les équilibristes qui font ça. Ben voilà. Voilà. Va voir un cirque, Damien. Mais en général, si tu peux prendre tes jambes à ton cou, tu peux t'auto-sucer. Donc là, c'est ton sexe, il est où tu veux. On en parlera demain, d'ailleurs, de l'auto-fellation, parce que Coco du Standard nous a dit cet après-midi qu'il arrivait à se faire des auto-fellations. C'est pas vrai, ça, Coco? Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Ah, c'est incroyable. Et, non, mais sans déconner, on en a un enfin qui arrive à le faire. C'est ça. On parlera de Coco du Standard qui se fait des pipes tout seul. Restez bien avec nous. C'est quoi cette musique de merde, Kassim? C'est le cirque d'Arrive. C'est cirque pinder de Coco. Voilà, c'est sûr. Bah lions et tigres. Et on va remercier Renaud, notre auditeur du soir, et Damien. Merci beaucoup, merci. Damien. Gros bisous, merci, mon Damien. Bisous, salut, mon poteau. Et Renaud, tu termines l'émission. C'est parti. Nous t'écoutons dans toute la France. Ouais, merci l'équipe. C'était génialissime. Franchement, vous êtes les meilleurs. Rien à dire. Restez comme vous êtes. Et puis, continuez à nous faire rire, comme d'habitude. On passe des putains de soirées à vos côtés. Et voilà, dédicace à tous ceux qui m'en connaîtront. Et voilà, bon, restez comme vous êtes. C'est parce que vous merci êtes des beaucoup. Putains d'auditeurs. Merci ouais, beaucoup, Renaud. Merci, Karel. C'est pas l'homme qui prend la mer. Hein. C'est la mer qui prend l'homme. Salut, Renaud. Salut, Renaud. Salut, Renaud. Et franchement, on dit beaucoup de choses dans les médias, mais tu te portes comme un charme. Hein bah oui. Vraiment, Renaud. Salut l'artiste. Salut. Ciao. Bisous. Ciao. T'as un Renaud dans l'émission. Et ça fait rêver. Un plaisir. Sur Fun Radio, le son Dance Floor. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue jusqu'à 6h du matin. Love in Fun. Oh, pardon. Bonsoir, Miko. Bonsoir, Karel. Ah, on s'emballait. On pensait que c'était la nuit blanche. Mais non, pas encore. Mais non. Ça encore. Va, Miko? Bien. J'arrive après une partouze et une autofellation. Donc c'est... Absolument. Ben voilà. Mais... Tombe à point. Et là on va être dans le profond. Bien profondément. Bien profond. Party Fun Deep, c'est profond. Jusqu'à 1h du mat. J'en lance pas là-dessus, moi je te laisse finir. Voilà, écoute, on peut s'arrêter là-dessus. Party Fun Deep avec Miko Céo. Je sais que tu écoutes en voiture sur la route du retour. Jusqu'à 1h du mat, oui. C'est mon émission, effectivement, que j'écoute tous les soirs en rentrant. Parce qu'il n'y a rien d'autre à la radio de toute façon. Donc ce sera toi obligatoirement. Merci beaucoup, Miko, et bonne émission. À demain 22h. À demain. Salut. Ciao tout le monde, à demain. Ladies and gentlemen, welcome. Feel this sensation. The deep. The party. The fun. Come on and feel it. Try it. Come on and live it. Party Fun Deep with Miko C. Minute 4 dans l'émission. Je ne regarderai plus Corentin de la même façon désormais. On a pris un truc tout à l'heure dans Fun. Bref, allez, minuit 4, belle nuit tout le monde. On termine le week-end avec le son de Party Fun Deep sur Fun Radio jusqu'à plus d'une heure du matin avec tous vos sons Deep House préférés. Hashtag Party Fun Deep sur Twitter pour choisir du son. Le mail miko@funradio.fr. Et pour ce premier quart d'heure, Bob Sinclair arrive avec le I Believe Spiller en souvenir avec la voix de Sophie Lisbeck sur Groove Jet et Kooms le nouveau pour démarrer l'émission Disco Night. Welcome on board. Flashing light, pin and ball, disco night. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco night. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco night. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco night. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco night. Colored squares, flashing light, pin and ball, disco.